Mais je soulignerai juste une chose qui est extrêmement fort avec la mort du roi Arthur et qui conclut vraiment bien le cycle, c'est la variété de gamme qu'il peut y avoir dedans, en fait. On n'a pas, comme dans la quest d'El Saint Graal est un peu monomaniaque, c'est-à-dire, voilà, on a la vraie chevalerie, c'est ça, tout le reste, c'est de la merde, et c'est marre. Et puis à la fin, Galad meurt, donc c'est même pas possible, c'était même pas une expérience réellement possible, on peut juste être à moitié saint là-dedans. Là, par contre, on a un idéal religieux avec tous ces gens qui se font ermite à la fin pour faire pénitence, on a l'idéal courtois, on a la question de la justice entre guillemets tribale, la vengeance, on a la justice royale qui a des impératifs différents, par exemple quand Guenièvre est fait en procès. Je veux dire, les systèmes de valeurs qui sont en jeu et qui s'affrontent sont quand même variés, et vous avez vraiment cet entremêlement entre les affrontements purs et durs, la largesse de Lancelot qui est cet idéal courtois idéaliste, son amour avec Guenièvre, mais les implications morales que ça... et ça donne vraiment une richesse de texture et qui peut faire comprendre pourquoi on va piocher dans cette tradition par la suite, une richesse que n'ont pas forcément la quest qui justement est très orientée, ou le Lancelot qui est très, qui en fait, qui fait partie de cet univers des romances qui a pas forcément la même gravité, on va dire. Take Excalibur. Find a pool of calm water. Throw the sword into it. No. Vous sommes de partir sur le champ. Seigneur Lancelot, je vous en conjure, réfléchissez. Vous amorcez un mouvement séparatiste, c'est de la folie. When you cast it in, what did you see? I saw nothing but the wind on the water. My king, I couldn't do it. Excalibur cannot be lost. Other men... Do as I command. One day, a king will come. And the sword will rise again. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous foutez là? C'est ça, faites celui qui sait pas. C'est la fée Morgane. La fée Morgane? Qui voulez-vous que ce soit d'autre? Allez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous de quoi? Écoutez, mon petit vieux, je dois vous emmener à Avalon le jour de votre mort. Alors vous vous levez, vous prenez vos petites affaires et puis vous me suivez. On verra le reste en route. Mais c'est pour le jour de ma mort? C'est très triste, mais c'est la vie, ça. Rex Quondam, Rex Quae Futurus. Épisode 17. La mort du roi Arthur. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quondam, Rex Quae Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Alors aujourd'hui, avec un petit peu de retard, nous allons poursuivre notre exploration du Lancelot Graal. Malheureusement, Antoine devait se marier, ce qui a un peu perturbé notre programme. Ouais, c'est un grave problème dans la programmation de Rex Quondam, Rex Quae Futurus, les mariages. D'ailleurs... problème fréquent. très joli mariage, très shakespearien, pas très arthurien, je dirais. 5 sur 10, un peu de mitra, manque un peu d'arthuriana dans ton mariage quand même. Ouais, alors ça, c'était... En même temps, tu veux dire, tu sais, il n'y a pas tellement de rôle modèle en termes de mariage dans la légende arthurienne. C'est vrai, comment on va le voir aujourd'hui, justement? Tu manques un peu de... C'est pas, je me suis demandé, hein, mais... Ouais, non, il n'y a pas vraiment grand-chose à sauver là-dedans. Non, éventuellement, tu sais ce que tu regardes, Eric et Eni, non. Ouais, c'est... Gauvin, non. Yvain, non. Lancelot, clairement pas. Perceval se marie pas. Qui reste d'autres, hein. À la rigueur, t'as Caradoc et sa femme qui sont un peu la relation modèle de la première continuation de Perceval. Ouais, encore, hein, ça passe par quelques péripéties, disons. Oui, mais ils sont montrés comme un couple solidaire et puis pas vraiment. Non, à la limite, Cligias. Ouais. Oui, c'est à peu près tout, mais même là, c'est pas terrible. Ah, bon, c'est un personnage un peu, c'est un aussi. Oui, Cligias, c'est un peu le personnage externe. Mais sinon, effectivement, il n'y a pas beaucoup de relations heureuses de maritales du point de vue. D'ailleurs, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la mort du roi Arthur, ou la mort Arthur, ou la mort Arthur. Bon, il y en a différents. La mort du roi Arthur. On va dire la mort du roi Arthur. Ça parle effectivement du délitement du royaume arthurien suite à ce que la relation adultère de Lancelot et Guenièvre soit découverte. Donc, on est juste après la quête de la Saint Graal, ça lui fait suite. On est toujours dans Lancelot Graal, et bien profondément. C'est la conclusion du cycle qui a été écrite en troisième. Il y a ensuite deux préquels, deux prologues qui ont été rédigés, l'histoire d'El Saint Graal et l'histoire de la suite vulgate qui raccorde le Merlin au reste. On en parlera dans le prochain épisode. Mais là, c'est la conclusion du cycle, c'est la mort un peu de basiquement tout le monde. On traque un peu le romancier, toujours anonyme, traque ses personnages jusqu'à la mort. Et il nous dit, il commence littéralement par ouvrir et dire que son commanditaire n'était pas content avec la quest d'El Saint Graal, que c'était pas assez conclusif. Et donc il s'est dit qu'il allait raconter comment tous ces bonhommes étaient morts. Comme ça, il n'y a pas vraiment de suite possible pour cette histoire-là. Et donc oui, pas forcément un mariage très heureux, pas forcément non, hein. Une vision très optimiste de l'amour. On est plus proche de Tristan et Iseult, justement, d'une histoire d'amour tragique et inappropriée. On va commencer par vous présenter peut-être un peu... je crois que vous commencez à percevoir un peu de dans quel contexte on s'inscrit. On a déjà parlé assez abondamment des problèmes que le cycle du Lancelot Graal posait. Là, c'est un volet supplémentaire qui a probablement été écrit entre 1225 et 1235. On ne peut pas forcément se prononcer plus précisément. Ça dépend ce que vous sélectionnez comme date pour les autres. Mais il a été écrit après la quest d'El Saint Graal, qui a été écrit après le Lancelot. Probablement que la mort d'Arthur est écrite à peu près en même temps que la préparation à la quest. On vous parlait de cette partie conclusive du Lancelot où il y a un peu toutes les ficelles qui pendaient des autres histoires qui se retrouvaient ici attachées ensemble. Ben, elle a probablement été rédigée en tandem avec la mort d'Arthur, parce que vous avez énormément de parallèles et de présages qui sont de renvois qui sont mis, qui laissent penser qu'on est un peu que le remaniement est de la même main, ou en tout cas contemporain. Et après la mort d'Arthur, bien sûr, l'histoire d'El Saint Graal et la suite vulgate qui raccorde le Merlin en prose au reste du cycle auraient été rédigées. C'est une œuvre qui est connue par relativement peu de manuscrits, en fait, finalement, comparé par exemple à d'autres. Je crois que dans son édition, l'édition qu'on a utilisée, c'est celle de David F. Holt, qui recense une douzaine de manuscrits à peu près. Je crois qu'il y a à peu près une douzaine de manuscrits complets. Il utilise lui-même un manuscrit... je crois qu'il a utilisé le manuscrit de Berkeley, mm-hmm. Il me semble, qui est une découverte plus récente que ceux utilisés jusque-là. Oui. Faut dire que pour la mort d'Arthur, c'est un cas un peu particulier. L'édition de référence est très vieille, en fait. Mm-hmm. C'est pas l'édition de Micha comme pour Merlin, ou pour le Lancelot. C'est vraiment une édition qui date de 1936 jusqu'à assez récemment. Il n'y avait pas vraiment d'édition de référence plus récente, en fait. Il y en a eu trois à peu près coup sur coup entre 2007 et 2009, entre une réédition chez Champion, une édition aux lettres gothiques, celle qu'on a utilisée de David Holt, et puis bien sûr la conclusion du manuscrit de Bonne pour dans la Pléiade, dans l'édition de la Pléiade, livre du Graal, donc comme le nomme la Pléiade, en se basant sur les... Ce qui est assez intéressant avec la Pléiade, c'est que, un peu curieux peut-être pour la Pléiade, c'est que la Pléiade n'a pas cherché à faire une meilleure version, une version idéale comme a pu le faire les lettres gothiques. C'était vraiment, c'est utile aussi, une version telle qu'elle est représentée dans un manuscrit, après complétée évidemment par d'autres sources, mais pour le coup, c'est trois versions récentes, donc celle de Champion, celle des lettres gothiques et celle de la Pléiade, qui sont peut-être celles qui sont les plus accessibles en ce moment. Il faut dire que justement, celle de la Pléiade et celle des lettres gothiques ont été réalisées en tandem, elles sont sorties les deux en 2009. Enfin, en tandem, en même temps, quoi, pas vraiment. Non, elles n'ont pas été. Collaboration. Justement, pas en collaboration du tout, et c'est ce que dit Hull. D'ailleurs, il a l'air de regretter un peu. Il dit cette édition est en préparation, elle va bientôt sortir. Mais du coup, ces deux éditions qui sont les plus récentes et les celles qui vont être utilisées comme référence aujourd'hui ont été faites presque indépendamment et n'ont pas pu s'appuyer l'une sur l'autre, ou une qui s'éclaire sur l'autre. Donc il y a des chances que d'ici quelques années, quelqu'un décide de faire une nouvelle synthèse, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'éditions ces dernières années. Oui, c'est ça, c'est un réintérêt assez récent. Ça parle aussi au fait que, même si elle n'a pas été beaucoup éditée à partir de 1936, justement l'édition de Frappier, elle a connu un grand intérêt, en fait. Il y a eu un grand discours autour de la mort d'Arthur, peut-être aussi un peu plus que la caisse, parce qu'elle est peut-être aussi c'est moins compliqué de rentrer dans la mort que dans la caisse, j'ai l'impression. En tout cas. Je pense qu'il y a quelque chose à dire sur le fait que c'est une histoire qui est très facile à suivre, parce que contrairement au Lancelot, vous avez vraiment cet entremêlement de la romance arthurienne où on démarre une aventure, on recroise un personnage qu'on a vu 30 chapitres avant, on abandonne une dame qui n'a pas de nom, et d'ailleurs quand on va la retrouver, on dira juste que c'est une dame, et donc bonne chance pour vous rappeler de quel épisode elle vient, Puis ensuite, on conclut un épisode qui a été commencé 30 chapitres avant. La quest, vous avez le problème de l'allégorie, c'est-à-dire qu'il y a un épisode qui se passe et ensuite on vous l'explique, donc il y a tout qui se passe en deux temps. Et les épisodes sont un peu décousus les uns des autres parce que ce sont des épreuves ou des espèces de leçons, de catéchisme en fait, qui progressent l'aventure effectivement, mais très peu de liens. La mort Arthur, par contre, a une théâtralité qui est vraiment très causale. C'est, il y a un événement qui a une conséquence, il y a un retour, il y a une vengeance, les événements s'enchaînent les uns les autres, et du coup, c'est assez facile de suivre du début du roman à la fin. Tout en ayant une certaine complexité narrative quand même, parce qu'un événement, le détail d'un événement qui précède un autre va peut-être influencer un événement plus tard, mais on sera quand même dans une succession d'événements assez logiques et faciles à suivre. Ouais. Quand tu parles de théâtralité, c'est vrai que c'est assez bien rendu. Il y a là-dedans l'économie narrative et l'efficacité un peu d'une pièce de théâtre bien écrite, justement. Mmh. C'est bien conçu. Alors, on passe pas sans des espèces d'idiosyncrasies un peu typiques de la littérature en prose médiévale, évidemment. Mais il y a quand même une grosse économie narrative. Il y a un peu les bons côtés du Lancelot, en fait, sans toute cette lourdeur narrative. Mmh. C'est assez flagrant quand on le lit, en fait. Ça se lit assez vite, ça se lit bien, ça se lit avec intérêt. La prose elle-même est de bonne qualité. Disons, il n'y a pas d'illusion un peu. Certains auteurs ont parfois tendance à éluder certains détails ou à consacrer trop de temps à l'un à l'autre. Là, même le temps relativement long passé sur les batailles et les combats est relativement dynamique et bien employé, par exemple. Mmh. Donc c'est, je pense, pour redire un mot sur les éditions, c'est assez intéressant de voir le destin de l'édition de Frappier, qui était vraiment depuis 1936, puis elle a été rééditée trois fois, je crois, donc une dernière fois en 1996, et c'était vraiment l'édition scolaire par excellence, c'était l'édition de référence que tout le monde utilisait, et récemment on s'est mis à vraiment questionner les principes avec lesquels il choisissait les leçons qu'il considérait privilégiées, c'est-à-dire qu'il a identifié des leçons mères, on vous avait déjà parlé de ça, donc des épisodes qui, d'après lui, identifieraient différentes familles de manuscrits. Et puis, plus récemment, on s'est dit que est-ce que c'était vraiment des passages déterminants, est-ce que c'était vraiment déterminant pour la formation de manuscrits. Et quoique les groupes de manuscrits qu'il a établis soient toujours plus ou moins les mêmes, en tout cas chez Hult, la question de la prévalence, c'est-à-dire quel groupe devrait l'emporter sur les autres, n'est pas complètement résolue. Et on est donc passé d'une espèce de d'une espèce d'édition qui se voulait définitive, mais qui était peut-être un peu péremptoire et qui prenait pas en compte justement tout, qui était peut-être un peu arbitraire justement dans le choix, à une édition qui a des éditions qui sont peut-être plus mesurées et qui vont être un peu moins conclusives dans leur... Faut dire aussi que Frappier avait accès à moins de manuscrits que n'a pu en voir Hult. Il y a aussi le fait que il y a un désintérêt assez flagrant des chercheurs français, surtout de la première moitié du XXe siècle, pour les manuscrits auxquels qui sont pas, disons, soit en France, soit en Italie, soit éventuellement en Suisse ou en Angleterre. Il y a un plus grand intérêt maintenant pour des manuscrits, en l'occurrence Hult, qui lui-même a un avantage parce qu'il était professeur à Berkeley. Édite un manuscrit qui se trouve à la Bancroft, donc évidemment, c'est un peu plus, on est quand même plus proche de son terrain de jeu. Il est en position idéale, disons, pour faire ça. Mais disons, il y a plus volontiers aussi un recours pour une publication française, en l'occurrence Les Lettres Gothiques, à utiliser le travail d'un chercheur américain. Ça peut paraître un peu normal maintenant, mais enfin, c'était moins le cas dans les années 30, ça c'est clair. Non, il aurait fallu un de ces pontifs des études médiévales françaises, arthuriennes, qui justement généralement obtenaient leur titre de gloire en faisant une de ces éditions qui devenait très respectée. Bon, c'était en tout cas le cas de Micha, qui est peut-être le plus prolifique d'entre eux. Mais le plus récent, mais Micha appartient quand même à une catégorie, disons, plus récente de chercheurs que Frappier, qui est quand même la génération d'avant. Micha, c'est quand même une plus grande légitimité à ça. Il fait mieux la transition avec l'époque moderne. Là, Frappier, c'est quand même assez frappant. Beaucoup plus quand tu regardes une édition comme justement celle du... Le truc assez caractéristique, c'est que les traditions, les éditions du Lancelot chez Lettres Gothiques se basent largement sur le travail de Micha, alors que là, c'était clair que le chercheur allait pas pouvoir se baser sur... que Hult allait pas pouvoir se baser sur Frappier pour faire son édition. Pareil pour les lettres, pour la Pléiade, parce que dans la Pléiade, c'était clairement l'idée de faire un manuscrit différent. Mais là, tu te remarques aussi la grande diversité, en fait, et parfois vraiment la vanité de l'édition de Frappier. Quand tu regardes les commentaires et les leçons offertes par les autres manuscrits dans les notes de bas de page, il y a des grosses divergences parfois qui font, et les assumptions de Frappier sont parfois un peu surprenante, disons. Oui. Il y a eu une critique, par exemple, en 1994, il y a un article de May Pluzo qui est paru et qui fait une critique assez forte de Frappier, surtout sur le plan du langage, en fait. C'est-à-dire, une critique qui peut être faite à son édition, c'est que c'est pas un bon échantillon de la langue du XIIIe siècle et qu'il a peut-être justement fait des interventions qui étaient arbitraires pour réécrire le texte à sa source d'une manière plus élégante, mais justement qui ne nous donne pas... qui n'arrive pas à un texte authentique. Léonard, il y a aussi une autre critique de Leonardi que cite Hult, qui est que le problème concerne moins la quantité des corrections qui a été apportée par Jean Frappier que l'arbitraire de ses interventions. C'est-à-dire qu'il a choisi un manuscrit qu'il a voulu s'y tenir, mais il l'a énormément corrigé au point qu'on peut questionner ce choix. Quoi. Le problème récurrent de la querelle larmanienne contre néopédiériste frappe encore. Mais oui, c'est d'un même temps, on parle, ça peut paraître un peu fort d'attaquer autant Frappier, d'autant que il est représentatif finalement plus de son époque que de biais personnels particuliers. Hein. C'est la tendance forte dans la première moitié du XXe siècle de faire des éditions qui se veulent idéales, quitte à corriger lourdement, parfois un peu sauvagement, certains textes. Je peux quand même évoquer les variantes mères. La première, c'est quand Gauvin raconte l'amour de Lancelot et de la demoiselle d'Escalotte à Arthur et Guenièvre en privé. Donc on va vous expliquer ça, mais Gauvin rapporte l'épisode tout en disant que la demoiselle lui a avoué le nom de Lancelot, alors que la demoiselle l'a pas fait. Mais c'est-à-dire que nous, quand on lit le texte, on peut le deviner. Donc voilà, ce serait cette incohérence-là. Et cette incohérence-là, pour lui, serait déterminante. Alors que n'importe, il y a pas forcément besoin d'être un spécialiste pour voir que oui, c'est quand même un peu superficiel, surtout qu'il y a des incohérences dans ce texte. Surtout, l'idée en fait, c'est que selon Frappier, le fait est là que le texte se trompe en fait, que simplement le texte ne s'est pas rendu compte que la demoiselle n'a pas donné le nom et que du coup il corrige, il insère une erreur. Alors que pour Hult, le fait que Gauvin prétende que la demoiselle lui a avoué son nom est un moyen pour lui de disculper Lancelot des accusations qui lui sont faites d'être l'amant de Guenièvre, parce que si la demoiselle lui a donné son nom, ça veut bien dire qu'il y a une relation entre Lancelot et la demoiselle, et que du coup c'est bien là pour renforcer l'idée que Lancelot n'a rien pu faire mal avec la reine Guenièvre et qu'il est l'amant de cette dame, en fait. Voilà, il saute peut-être sur l'opportunité pour ça. Hult soulève aussi l'idée que peut-être il y a la volonté de montrer Gauvin comme quelqu'un de pas forcément de pervers, mais que justement il ferait ça pour taquiner, pour tester Guenièvre ou taquiner Guenièvre sur le fait que si elle avait vraiment une relation avec Lancelot, peut-être qu'elle réagirait au fait que je dirais ça. Donc peut-être que ça montre une part d'initiative de la part de Gauvin plutôt qu'une erreur du copiste. Disons, il y a une tendance, je pense, qui est de Frappier, qui est assez instinctive, à considérer que la littérature médiévale est relativement simple et claire et qu'elle ne va pas rentrer dans des jeux narratifs compliqués comme ce mensonge, alors qu'en fait, ça me semble assez logique que Gauvin puisse vouloir dire omettre une vérité ou cacher quelque chose. C'est pas parce que... Surtout vu le portrait de Gauvin dans ce roman, qui est un des portraits les plus ambigus. Si on doit dégager certains thèmes, je pense... tu peux finir avec les variantes mères, peut-être avant qu'on dégage les thèmes plus amples. Oui. Mais ça reste un des grandes évolutions de ce texte, c'est de vraiment le portrait de Gauvin qui en est fait. La deuxième variante mère, c'est justement, ça repose sur un petit épisode, c'est, vous vous rappelez que Lancelot était Lancelot était emprisonné par Morgane pendant tout un hiver dans un château, il s'ennuyait, il voyait un peintre et il disait, je vais peindre des scènes de ma vie sur les murs. Et il se met à peindre son histoire d'amour avec Guenièvre, ça lui fait passer le temps et ça le réconforte un peu. Et dans ce roman-là, Morgane va les montrer à Arthur, qui va prendre ça comme une confession en fait, parce que c'est basiquement le plus proche qu'il puisse avoir d'un témoignage, au-delà d'une confession, je sous-signe Lancelot est trompé. Et eu une relation adultère avec Guenièvre. Et il y a un passage qui dit que quand il voit les images qui devisaient l'accointement galeux, si en fut tous ébahis. Donc, quand il vit les images de l'accointement de galeux, il en fut tout ébahi. Alors, certains parlent du... Vous vous souvenez que dans le Lancelot, peut-être pour précision, c'est galeux qui lance la relation, si on veut, entre Gauvin et Lancelot, justement. Entre Guenièvre et Lancelot, pardon. C'est donc, il y a... certains manuscrits gardent contenement galeux, ce qui peut vouloir dire le comportement de galeux, ou alors ça pourrait être justement qui s'est fait l'intermédiaire de la, qu'il a fait l'appariement entre Guenièvre et Lancelot, ou bien que ce soit son comportement plus globalement, mais c'est utilisé par Frappier comme preuve d'une variante mère en fait. Ouais, c'est assez. Disons, cette théorie des variantes mères me semble quand même assez... même si on peut y voir effectivement des points de division assez clairs entre les manuscrits, Frappier leur accorde quand même beaucoup, beaucoup d'importance, quoi. C'est vraiment une théorie complète assez qui montre ses limites quand même, comme le point de Hult. Il y a juste le troisième cas, Hult le considère quand même valable, c'est que dans certains manuscrits, on dit de Guenièvre qu'elle avait l'âge de 50 ans. Elle hiert bien en l'âge de 50 ans. D'autres manuscrits disent qu'elle hiert bien de Lancelot. Et ça semble un peu étrange dans le contexte, c'est une phrase un peu abrupte qui n'est pas forcément complètement insensée, mais effectivement, ouais, un peu. Et en fait, ils pensent que c'est quelqu'un qui a utilisé 50 en chiffre romain, donc un L, et que du coup ça faisait L, ans, et donc que dans un manuscrit donné, ce L, ans, qui veut dire 50 ans, aurait été lu Lance, donc une abréviation de Lancelot. Et ça a l'air d'expliquer effectivement une espèce de divergence dans les manuscrits, et là ça pourrait être effectivement une trace de ce type de faute de copie qui illustre le surtout parce que là il y a clairement une méprise sur le sens d'un passage. Oui, alors ça c'est plutôt légitime pour le coup, et d'ailleurs il le remarque, l'idée de l'instinct de Frappier sur ce coup-ci est assez brillant parce que ça explique ça explique sans problème l'erreur, mais faut le voir pour comprendre la confusion, ouais. Quoi. Non, c'est bien, ça montre bien que le Frappier, comme un grand chercheur, c'est que c'est pas non plus une édition qui est nécessairement ultra mauvaise et qui mérite d'être mise au bûcher, d'autant qu'elle reflète la réalité de certains manuscrits. Mais c'est ça qui est peut-être plus, pas grave, mais problématique pour nous aujourd'hui, c'est que c'est plutôt son alignement avec une façon de faire qui est, disons aujourd'hui, largement, sans être décrédité, qui est quand même un peu largement derrière, quoi. Mmh. On a plus tendance à vouloir aujourd'hui, quitte à ne pas tout compléter, de rendre le texte tel que le rend une version idéale, ou en tout cas représentative en tout cas, et préciser les uns que les autres. Ça parle aussi, l'appareil de critique de Hult est assez extensif, il commente à peu près tout, il donne toutes les variantes en bas de page, ce qui résulte en un texte, un volume assez volumineux, hein, plutôt littéralement, même si le texte en fait en lui-même est assez court, quoi. Ça ne prend pas une grande place, quoi. Mais avec la traduction, les variantes et les notes de bas de page, on arrive à une taille assez décente. Peut-être pour finir, avant de commencer à résumer le récit lui-même, un petit mot peut-être sur les grands thèmes qui traversent ce roman. Il y a là-dedans des grandes idées qui vont continuer à être là, hein, mais l'une d'entre elles, vraiment, c'est cette notion, ce qui m'a frappé en fait quand je l'ai lu, c'est Gauvin, comme on l'a dit avant. C'est un passage, c'est peut-être parce que j'ai une familiarité avec Gauvin dans son portrait anglais, ou son rôle comme héros anglais, justement, ou en tout cas, certes, pas anglais, mais anglisé dans les romances du XIVe et du XVe siècle. Là, pour le coup, Gauvin est présenté assez négativement, même s'il a encore une issue derrière, il se repent et à la fin, il a quand même un certain rôle, mais on commence vraiment à voir d'où vient cette opposition entre le Gauvin français qui est facilement brutal, qui est très, disons, sanguinaire, qui est un peu irréfléchi, un peu presque bébête, et le Gauvin anglais qui est le meilleur chevalier de tous les temps, pour le dire les choses simplement. On voit vraiment les traces de ça là-dedans, alors que Gauvin, chez Chrétien, et quand même s'il est un peu coureur de jupons, il est quand même un peu plus universellement... Là, Gauvin adopte un rôle qui aurait pu être celui de queue, en fait, oui. Dans le Dido Perceval, par exemple. Oui, il est assez violent. Ça commence d'ailleurs par une condamnation, peut-être un prolongement, peut-être de la condamnation de la chevalerie terrestre de la quest, mais sous une autre forme, qui est justement de dire Gauvin a tué 18 chevaliers de sa main pendant l'épisode de la quest. Il l'avoue et il en est contrit. Et justement, quand la vendetta commence, c'est-à-dire quand ses frères se font tuer, quand Lancelot essaie de délivrer Guenièvre, il peut absolument pas pardonner à Lancelot. Et malgré toutes les tentatives de conciliation de Lancelot, il reste animé par un désir de le tuer. Pareil pour Arthur, qui refuse de lui pardonner. Et puis il y a cette espèce de... La victoire finale de Lancelot, finalement, cette espèce de surenchère de courtoisie et de générosité, de largesse, qui fait qu'il a le dessus moralement, il a le moral high ground. C'est ça peut-être une différence de chevalerie, si elle existe ici, c'est pas tellement entre la chevalerie céleste et la chevalerie terrestre, mais entre la chevalerie vieux style, sanguinaire, brutale, basée sur la guerre et vraiment le combat et les prouesses purement martiales, et une chevalerie qui est noble martialement, certes, Lancelot reste le meilleur chevalier, mais aussi moralement noble. L'amour courtois de Lancelot, sa noblesse, sa déférence, les actions toujours nobles. Son sacrifice personnel aussi. Il n'hésite pas régulièrement à sacrifier des choses pour... Depuis que la normalité est brisée et qu'il y a cette crise qui commence, Lancelot essaye de revenir à la normalité de différentes manières. Même si chasser le naturel et revient au galop, il continue quand même dès qu'il peut aller... voir Guenièvre jusqu'à leur échange d'anneaux. Jusqu'à ce que finalement ils renoncent l'un à l'autre, justement, ce qui est probablement l'influence du Tristan, d'ailleurs, cette idée que finalement Tristan et Isolde dans la forêt se rendent compte de leurs devoirs respectifs et ils se disent peut-être qu'on devrait retourner à nos vies standards. Et Lancelot a cette espèce d'abnégation qui a l'air plus poignante et plus naturelle qu'il y avait dans la quest c'était oh j'ai l'illumination, l'adultère c'est mal, et puis c'est pas très convaincant, d'autant que c'est pas très convaincant parce qu'il replonge dans l'adultère dès que la quête est finie en fait. Mais là il y a quelque chose de plus humain peut-être. La mort Arthur, c'est probablement la partie la plus humaine du cycle. Oui, il y a des portraits disons même dans les personnes qui sont moins positives, c'est clairement Lancelot qui est au cœur du récit, qui est le héros, hein. Mm-hmm. Tu me le disais avant qu'on enregistre, il y a vraiment une dimension presque ethno-nationaliste là-dedans. Lancelot, mm-hmm, c'est le héros gaulois, donc français. Mm-hmm. Il vient du continent. Il y a une division importante qui est faite dans la mort d'Arthur, peut-être du roi Arthur, peut-être plus évidente même qu'elle l'était dans le Lancelot, entre ce statut justement un peu particulier de Lancelot et par extension des chevaliers de sa cour, mm-hmm, son cousin, ses cousins Bort et Lionel, son frère, son demi-frère Hector Démare, qui sont vraiment présentés comme un bloc continental à la cour d'Arthur, qui ne doit pas, qui est parti de la table ronde sans vraiment être dans l'allégeance d'Arthur, même voilà. Si Arthur techniquement a accordé voulait donner la Gaule à Lancelot, sa conquête de la Gaule à la fin du Lancelot, justement. Il y a une espèce de revendication d'une chevalerie française, bien française, par rapport à une chevalerie, avec l'évolution des choses, on voit de plus en plus l'identité du... Et ils vont probablement aussi en partie l'évolution de la monarchie, de la culture anglaise, de l'anglo-normande qui s'anglicise. On voit peut-être aussi là la trace d'une constatation que finalement ces Anglais sont peut-être un peu plus différents de nous, que du coup Arthur et Gauvin, qui sont des personnages bien anglais, enfin bien bretons, mais du coup bien anglais, qui deviennent identifiés à cette chevalerie peut-être plus étrangère, qui est moins raffinée, moins belle, moins noble que la belle chevalerie française de Champagne, ouais, particulièrement, bien sûr. Non, il y a peut-être cette dimension-là, mais malgré ça, Gauvin et Arthur sont quand même présentés sous des jours sympathiques régulièrement, notamment le portrait qui est fait du deuil de Gauvin et d'Arthur après la mort justement des frères de Gauvin est très brutal, et c'est vraiment, quand on lit ça, c'est vraiment non seulement très bien écrit, très beau, mais c'est extrêmement triste. Il reflète vraiment le désespoir de Gauvin et d'Arthur, sans être naturaliste, dans des termes qui sont quand même relativement réalistes et bien psychologiquement travaillés. On n'est pas dans une réaction caricaturale ou conventionnelle, simplement. Je pense qu'il y a effectivement un des trucs qu'on avait vu dans le Lancelot propre, c'est que Lancelot essaie d'échapper aux liens qui le lieraient normalement féodalement à Arthur, et il privilégie les liens avec la reine. Genre, on avait vu justement son adoubement qui s'était fait en deux temps, et que c'est la reine qui avait dû lui saigner l'épée, et du coup... Oh ben, il n'a pas de connexion directe à Arthur, et ça rejoint un peu ce qui pouvait être dit sur cet article, je crois, de Mark Elonitsa sur le roman courtois, justement, qui dit que le roman courtois se sert de la femme du seigneur pour la femme du seigneur devient un moyen de médier la relation entre le seigneur et la personne qui lui est assujettie, ou le fait d'être amoureux de la femme du roi, c'est une manière de médier la relation avec le roi et de pas affronter directement le roi, en fait. Et là, on a ça qui se manifeste assez bien, où le fait de vouloir rester ses électrons libres, il refuse la royauté de Gaulle, il refuse de s'installer à un endroit et de tenir sa terre d'Arthur. Même la joyeuse garde, qui est son château lui-même, est un peu un statut de frontière. C'est une espèce de Vatican bizarre, qui n'est pas vraiment partie du royaume d'Arthur, et puis qui garde ce lien à Gallo, parce que Gallo est enterré là-bas, donc cette espèce de royaume semi-séparé, qui était à moitié aggloméré, c'est pas exactement clair. Puis ça se traduit aussi au fait, finalement, le fait que les peuples de Bretagne, à la fin, sont contre Arthur. Quand Arthur est présenté dans un jour positif, c'est quand il est contre Mordred, mais là, ses troupes à lui sont détachées de leur identité géographique, et ils ne sont que les troupes des rois qui l'entourent, mais les peuples de Bretagne semblent avoir fait allégeance. On parle des hommes de par exemple, de Caradoc, pour parler des alliés d'Arthur, les hommes de Caradoc, les hommes du roi Ion, mais pour les troupes de Mordred, c'est les hommes de Northumberland, c'est les hommes d'Irlande, c'est les hommes d'Écosse, c'est les hommes de Norgal. Ouais, il a l'air d'avoir réussi à retourner le pays contre Arthur. C'est-à-dire qu'au départ, il dit oh, Arthur est mort, prêtez-moi allégeance. Mais finalement, il lui prête allégeance de le défendre, même si jamais le roi Arthur revient. Donc, c'était pas si important que ça. C'est pas présenté de manière très, très positive, disons. C'est... Outre donc cette exaltation de la chevalerie noble et courtoise, quitte à aller coucher avec la femme de son seigneur, on peut remarquer que Mordred, du coup, occupe un rôle pas faible, mais moins important peut-être en proportion dans le roman, puisque une large partie du roman, c'est justement le délitement de la table ronde et le conflit entre Lancelot et Arthur. Le conflit avec Mordred occupe fatalement... on n'est plus dans la distinction assez organique qui se faisait à la fin de la quête dans le Dido Perceval, où bah, du coup, la quête était finie, et du coup, bah, allons faire des aventures sur le continent et allons conquérir la Gaule, et du coup, on en met Mordred en charge. Là... ça vient aussi organiquement, mais c'est du coup le conflit avec Lancelot qui mène à ce que Mordred soit placé en tête du royaume par par Arthur. Il y a eu en fait plusieurs expéditions arthuriennes en Gaule. Dans le Lancelot déjà, on avait été secourir le royaume de Lancelot de Clodas. Et donc, il y avait le combat contre Frol aussi. Il y avait le combat contre Frol qui a été déplacé. En fait, il y a eu un déplacement ou une partie ou des événements... déplacement ou simplement par rapport aux versions... En tout cas, par rapport au Dido Perceval, mais par rapport... à Wass ou bien à Geoffrey, on est finalement dans une question assez logique parce que chez Wass et Geoffrey, Arthur conquiert la Gaule et après il y a un certain temps qui se passe avant que les représailles arrivent. Et comme le dit Hult, l'implication c'est que bah, du coup, ça se passe à la fin du Lancelot, son combat contre Frolle, et du coup à la fin, bah, l'intervalle qui reste, c'est le temps aventureux de la quête d'El Saint Graal, et après quand on revient... Bah, Les Romains se réveillent un petit peu. Les Romains se réveillent au moment où, comme par hasard, Lancelot s'en est retourné dans son pays après avoir rendu Guenièvre à Arthur. Non, ce qui amène le roi Arthur sur le continent, du coup, c'est le fait de vouloir pourchasser Lancelot. Au départ, on lui offre une espèce de sauf-conduit, on lui dit « tu peux partir de la Joyeuse Garde, rentrer dans vos terres, etc. » Puis finalement, il se décide que, en fait, il a tué nos parents, donc notre inimitié ne va jamais s'arrêter. Et puis Gauvin décide de faire campagne contre lui sur le continent. Il y a un des thèmes qui est clair, c'est celui de la vengeance et justement de ces affrontements, de cette espèce de vendetta qui est relativement dénoncé. Justement, il y a une espèce d'idée sur la vacuité de tout ça. Il y a une scène dans la bataille finale où quelqu'un voit, je crois que c'est le roi Rion qui se fait tuer, puis Yvain se jette sur son assaillant et le tue. Puis ensuite, il regarde son épée ensanglantée et il dit « j'ai tué son meurtrier, mais... cet homme valeureux n'est pas revenu. » Donc il y a cette espèce d'idée que c'est facile de donner la mort, mais ça n'arrange pas grand-chose. Et puis finalement, bah, beaucoup de gens sont morts à la fin. Il y a l'idée justement liée de la roue de la fortune qui revient régulièrement. On l'avait retrouvée déjà chez Geoffrey. Hein. C'est une idée qui est présente de longue date dans la chute d'Arthur. Que tu es au sommet de la roue et puis ensuite tu tombes. Il n'y a pas vraiment cette idée, alors que la quête d'El Saint Graal, vous avez la volonté de Dieu qui se manifeste partout, ici c'est extrêmement médié. C'est-à-dire que Arthur a des rêves prémonitoires où il voit la roue de la fortune qui participe à son effondrement, mais la fortune est vraiment présentée d'une manière très mondaine. C'est pas vraiment une espèce de puissance qui régit le destin de tout le monde ou qui a cette espèce d'emprise sur tout le monde, parce qu'elle est toujours médiée soit par des rêves, soit par des récits populaires, soit par des témoins qui sont pas forcément clairs. Par exemple, toute la fin du roman est plus ou moins transmise par l'intermédiaire de Girflet, donc on nous dit « il lui semble avoir... » Il lance Excalibur dans l'eau et puis il lui semble avoir une main qui sort de l'eau. Donc ça laisse quand même entendre que bah, c'est ce qu'il a vu. Il voit pas, par exemple, il y a un moment par exemple où Arthur est emmené sur la mer pour aller en avalon par Morgan et puis des fées, ce qui semble être des fées, ce que Girflet voit de loin. Et après, il se rend dans un ermitage où il était passé avant avec Arthur et il voit la tombe d'Arthur dans cet ermitage en fait. Et alors, est-ce que ça, l'implication c'est que l'âme d'Arthur est partie et que le corps d'Arthur a été enterré? Est-ce que c'est un cénotaphe ce qui semble clair, c'est qu'il y a une espèce d'ambiguïté là-dedans qui est plus forte que même chez Geoffrey, par exemple, ironiquement. Non, il y a cette ambiguïté parce que finalement il a une tombe. Il y a aussi justement, par exemple, quand Arthur et Mordred s'entretuent, on dit que Mordred a une blessure telle que le soleil passe à travers, donc il est vraiment troué dans le corps. C'est ce qu'on raconte. Le texte nous dit bien, c'est ce qu'on raconte. C'est une espèce de légende que le narrateur est en train de nous transmettre. D'autres passages où on dira « l'histoire dit », bon, ça c'est une formule qu'on commence à avoir habituellement, mais c'est très rare qu'on ait l'immédiateté de la quest où on est vraiment « ok, ça c'est une révélation de Dieu ». Voilà, là tu as une allégorie, c'est Dieu qui t'envoie ce message, très clairement. Ce qui menait d'ailleurs, comme on l'avait dit, à des trucs un peu bizarres. Est-ce que ça implique que ces demoiselles-là sont en train d'attendre, ont vécu toute leur existence juste dans l'attente de trois chevaliers qui allaient se promener par là? Mais là, par contre, vous êtes dans quelque chose de beaucoup plus mondain. Et j'aimerais justement dire sur ce sujet, tu disais Lancelot reste le meilleur chevalier. Je disais, ah non, Lancelot redevient le meilleur chevalier parce que Galahad est mort. C'est ça qui fait que Lancelot est le meilleur chevalier maintenant. C'est justement que Galahad, qui était cette parenthèse, cette exception, qui bon, après, ce summum de la chevalerie impossible. Après, comme tu le dis, il y a une question de perception aussi. Galahad, c'était le summum de la chevalerie, mais comparativement à Lancelot, qui a une carrière beaucoup plus grande et beaucoup mieux connue, l'implication du texte, c'est que c'est Galahad, finalement. Il était un peu dans son coin et tout ce qui s'est passé, c'est un peu... C'est comme Batman, tu sais, c'est elle derrière. Toute personne ne connaissait vraiment ce qu'il a fait. C'est... Il a sauvé le Graal, mais c'est pas quelque chose qui est renommé, en fait. Alors que Lancelot, bah, il fait ses tournois, il, y a une... il est connu populairement. C'est pas, le héros... pas le cas de Galahad. C'est pas le héros dont on a besoin, mais c'est le héros qu'on mérite. C'est ça. Non, ça, c'est Galahad, oui. À la fin, finalement. On n'a plus besoin de Galahad maintenant, mais il nous faut Lancelot. Ouais. Ou alors, non, c'était... Oui, c'est ça... très Batman, mais il y avait vraiment ce côté Batman maintenant que j'y pense, avec Galahad qui est un peu inconnu, puis tu sais il fait son truc, puis finalement il meurt, puis il y a un type qui revient raconter l'histoire et puis c'est à peu près tout, puis I'm Galahad. Et au final il est pas oui non mais c'est vrai que Galahad a relativement n'apparaît pas, il est mentionné à pas seulement comme progéniture de Lancelot, mais autrement le Graal ne fait... Enfin, il y a un lien au début. On sait que c'est la suite des aventures. On aborde qui revient, mais il résume un peu aussi ce qui s'était passé. Mais il n'y a plus vraiment lien après ça. Non. Bord, qui a quand même servi les mystères du Graal, qui est le dernier survivant de la quête des trois Perceval, Galahad et Bord, il revient, puis il se retrouve emmerdé dans un conflit dynastique entre Lancelot et Arthur, parce que son cousin Lancelot a couché avec la reine. Ouais. Il doit avoir le visage dans les mains, et puis en train de se pincer l'arcade du nez pour... aussi dit, j'ai fait tout ça pour ça, quoi. Ouais. Bah c'est ça le truc, c'est que c'est un roman qui est très mondain, parce que justement, tous les monstres et les manifestations, les enchantements, les sortilèges, les malédictions qui ont été levées, il y a eu la fin des aventures grâce à la découverte du Graal, mais donc ça veut dire que tout ce qui reste dans le royaume de l'ogre, c'est des humains qui s'affrontent. Il n'y a plus cette médiation. Morgan est là, mais elle ne va même pas utiliser de filtre ou d'enchantement ou quoi que ce soit. Il n'y a plus de magie qui va venir véritablement sauver ou inculper des hommes. Il y a la fin avec justement l'épée d'Arthur qui est attrapée par une main, mais c'est un peu la dernière manifestation de merveilleux qu'on est vraiment là-dedans. Toutes ces choses-là n'existent plus. Et à ce titre, l'histoire qui reste, bah voilà, elle est très très très matérielle. Et aussi une chose que je voudrais relever, qui n'a pas eu tant d'influence sur la suite, parce que bah, généralement, comme on condense l'histoire beaucoup, tous les héros restent jeunes, les gens sont très âgés. Arthur a 96 ans, Guenièvre et Lancelot ont autour de 50 ans, Gauvin on a... Guenièvre est à peine plus âgé que Lancelot, qui a, ouais, je crois, genre quelque chose comme même pas 40 ans. Lancelot, Gauvin a la soixantaine, l'implication, on ne le dit pas clairement, mais c'est impliqué qu'on peut comprendre que Mordred est plus âgé que Guenièvre, ou peut-être à peu près le même âge. Ouais. Mais enfin vraiment, c'est clair que il y a... Bon, après, c'est aussi ces nombres sont un peu là, sans forcément... Ils font sens, plus ou moins, oui, mais ils ne sont pas nécessairement liés à un calcul très précis. Non, mais c'est juste que j'ai l'impression qu'on a tendance à pas... Je ne sais pas comment on dit l'histoire de Lancelot et Guenièvre. Généralement, on imagine des gens qui ont 20 ans, parce que voilà, c'est une histoire d'amour, donc forcément, ils ont 20 ans. Alors que c'est vrai que c'est aussi une dimension intéressante qu'on ne voit pas beaucoup, le fait d'avoir ces héros vieillissants, finalement. Après, Arthur a presque plus de 90 ans, mais ouais, c'est pas non plus... il ne nous apparaît pas comme un vieillard croulant. On dit qu'il est bon pour son âge, mais quand on dit sa barbe avait juste des poils de blanc dedans, donc c'est un peu un dundin, tu sais, il est pas en train de... Il commence à blanchir. C'est ça, il est pas... il a une barbe poivre et sel à 90 ans, quoi. C'est ce que je dis, mais c'est vraiment... J'ai eu la vision Aragorn, tu sais, le dundin, ouais, ouais, 90 ans, toujours fringant, quoi. Ah non, Aragorn ne pourrait pas avoir de barbe, Antoine. Tolkien dit explicitement dans une lettre qu'il est imberbe parce qu'il a du sang elfique, et que le seul elfe qui a une barbe, c'est Círdan, parce qu'il est plus vieux que tous, je crois. C'est parce que c'est être artisan, ça implique d'avoir une barbe. Non, mais c'est les trucs où Tolkien n'a pas vraiment défini. Du coup, c'est à chaque fois que quelqu'un lui pose une question, il dit, je sais pas, puis il a improvisé un truc. Et sur Círdan, il parle justement, je crois, des quatre âges des elfes, où il dit basiquement qu'ils ont quatre phases de la vie, puis Círdan, c'est le seul qui est resté vivant suffisamment longtemps pour l'atteindre, et du coup, il a une barbe. Bah voilà, tu réponds à mes questions sans même que je les pose. Pourquoi Círdan est mort? Non, crois. Mais c'est en tout cas, c'est l'implication, c'est que vraiment Arthur a presque un côté vraiment surnaturel, en fait. Oui. Il est un peu béni des dieux au point de pouvoir, enfin de dieux peut-être, de pouvoir vivre un peu plus longtemps, que en tout cas en bonne santé que la moyenne. C'est aussi ce côté vraiment les hommes avant étaient meilleurs que nous, maintenant la chute. Nous vivons à peine 50 ans, c'est terrible. Et l'âge prélapse à rien. Il y a ce côté un peu l'âge des héros, l'âge d'or des héros où t'as Gauvin et Arthur qui peuvent se battre en fringant. En combat singulier qui dure 12 heures. Voilà, se battre dans des combats immenses tout en réclamant leur réduction AVS. Quoi. Ouais. C'est tout à fait ça. C'est presque plus symbolique qu'autre chose en fait. Je pense que c'est aussi une façon de souligner la durée en fait de ces romans et l'influence et le pouvoir et aussi le règne finalement important. Si Arthur a 90 ans, ça veut dire qu'il a régné quand même pratiquement trois quarts de siècle quoi, sur la Bretagne. Donc ça a aussi des conséquences sur la façon dont on dépeint ce roi sage et bon à ce point. Enfin, est-il si sage et si bon ? Je pense qu'on va le découvrir après une... Si vous n'aviez pas déjà une idée après cette introduction thématique, on va vous résumer un peu, effectivement, et voir si Arthur est aussi bon que son âge et son long règne le laisseraient présager. Donc après le retour de la quête del Saint Graal, le seul qui était revenu vivant et qui était revenu tout court, en fait, c'était Bohort. On nous raconte justement qu'il arrive à la cour, qu'il raconte les aventures qui se sont produites et les derniers moments qu'il a passés avec Galahad avant de se séparer de lui et que personne n'a plus jamais revu Galahad. Il a été sorti du monde. Arthur fait mettre par écrit ses aventures, donc on a toujours cette mise par écrit des aventures pour nous garantir comment ça se fait qu'on puisse la voir. Ce qui va pas vraiment expliquer comment on a ce roman-là, parce que là, on a beaucoup moins de personnages qui tiennent debout à la fin. C'est plus ou moins sous-entendu que c'est Girflet, parce que c'est lui le seul témoin de certains événements, donc il doit en tout cas nous transmettre une partie. Mais là, en tout cas, on fait ça pour la quest. On commence par se demander, y a beaucoup de gens qui sont disparus, 32 chevaliers manquent à la table ronde, et le roi demande à Gauvin combien il en a tué. Gauvin dit qu'il en a tué 18. Donc la majorité des chevaliers qui ne sont pas revenus de la quête, c'est parce que Gauvin, on ne sait pas pourquoi, les a tués quand il les a rencontrés ou s'est querellé avec. L'implication, c'est toujours que Gauvin en fait les tue quand sans s'en rendre compte en fait. Ils se voient, ils ont pas d'armes ou ils ont pas de. Ils ont changé leur bouclier pour une raison X ou Y et Gauvin. Peut-être que cette politique de se battre sans raison avec des gens sans connaître leur identité pose quelques problèmes. Voyons là, si tu vas à l'encontre de nos traditions millénaires, où irait la civilisation arthurienne si nous ne mettions pas, si nous ne décapitions pas immédiatement tout ennemi masqué qui refuse de s'identifier. Et aussi, il faut absolument refuser de s'identifier en tout temps pour augmenter encore plus les conflits. C'est ça. La quête commence, la mort commence et la succession d'événements est déclenchée par le fait que Lancelot recommence sa relation avec Guenièvre et nous dit qu'ils sont pas vraiment subtils et qu'ils prennent pas vraiment la peine de bien se cacher, au point qu'Agravin devine qu'il y a quelque chose qui se passe en fait. On nous dit pas exactement comment, mais ils découvrent leur liaison. Et juste avant qu'un tournoi ait lieu à Winchester, au Clément Vincestre, Lancelot se dit on s'ennuie un petit peu, je vais faire un de mes hijinks classiques, je vais aller incognito au tournoi, je vais battre tout le monde, et puis à la fin, quand on se demandera qui est ce chevalier incognito, et ce sera moi. Or, ça demande un petit stratagème, donc il dit « je me sens pas très bien, je me sens malade, allez au tournoi sans moi ». Agravin, qui a deviné la relation entre Lancelot et Guenièvre, se dit « Bon, bah, s'il reste ici au château, c'est probablement pour fricoter avec Guenièvre. Et donc, il va avertir Arthur et il dit voilà ce qui est en train de se passer. Arthur est choqué par cette nouvelle, mais il se dit bon, bah, on va bien voir, mais il faut qu'on les surprenne en flagrant délit quand même. Donc, il dit à Guenièvre non, non, viens pas au tournoi avec nous, reste ici. Et du coup, Guenièvre ne peut pas venir au tournoi, elle doit rester au château. Il essaie de les faire tomber dans un piège. L'idée, c'est que Arthur ne croit pas à Gravin à la base. Arthur, il croit pas tout de suite. Il veut se dire, bah voilà, si la reine reste ici et qu'on revient après, on verra bien que ils sont pas en train de coucher ensemble. Et donc Lancelot, il va, une fois que la nuit est tombée, Lancelot il va incognito au tournoi parce que justement c'est son plan, et il va se faire loger à côté du château d'Escalotte. Et Arthur reconnaît Lancelot dans une foule, il le voit, et là il est immédiatement rassuré, probablement soulagé, où il se dit ah ben voilà, il a vu Lancelot, et il dit à Girflay, tu vois Girflay, il y a Lancelot là-bas, garde ça pour toi. Donc on a cette idée quand même que Girflay sert pas à grand chose dans l'histoire, mais il intervient régulièrement comme témoin. Il voit les choses qui sont les plus, où on pourrait se demander s'il n'était pas là, mais comment est-ce qu'on sait qu'il y a ça dans l'histoire, parce que personne n'a parlé à aucun moment. Heureusement, Girflay était là pour le voir. Lancelot est donc logé chez un vavasseur qui a deux fils qui ont récemment été adoubés, donc le vavasseur d'Escalotte, c'est les futurs Charlotte dans la littérature anglaise, dont la Lady of Charlotte est quand même l'avatar le plus connu. Ça me fait toujours marrer, hein, parce que pour moi, dans ma tête, ça reste toujours la dame des échalotes. La dame des échalotes, des échalotes. C'est terrible, hein, parce que c'est très triste et c'est une histoire tragique, mais non, c'est la dame des échalotes. Non, en l'occurrence, pour le coup, c'est vraiment... vous allez le voir, c'est vraiment ce qui a inspiré le poème de Tennyson. Ce qui est assez rigolo, c'est que là, pour le coup, les vavasseurs, qui sont d'habitude une réserve inépuisable de nobles, mais suffisamment peu riches pour ne pas être menaçants ou sympathiques, mm-hmm. tout en ayant... Je pense que 90% des textes Arthur ont été écrits par et pour des vavasseurs, parce que c'est juste la seule explication de la surreprésentation de cette classe sociale. Non, pour le coup, ce qui est rigolo, c'est que le vavasseur, bien que noble, est présenté comme une classe sociale inférieure, nettement inférieure à celle de Lancelot, alors que, par exemple, chez Eric et Enid, le vavasseur dont la fille Enid reçoit Eric, c'est « on va marier notre fille avec ce jeune futur roi », alors que là, le texte semble sous-entendre que la demoiselle et Lancelot pourraient pas n'être vraiment un couple, parce que elle est de classe sociale quand même trop inférieure. On voit une plus grande stratification sociale, peut-être. Il y a quand même cette idée dans Eric que justement le vavasseur est très déclassé, genre Enid a des fringues qui sont en lambeaux, ils sont pauvres, donc ils sont... Mais rien ne s'oppose à son mariage avec Eric, d'autant qu'il vient en plus d'une famille plus noble, le vavasseur. Alors que là, clairement, il y a les sous-entendus qu'elle n'est pas assez noble pour Lancelot, même si elle est très belle, même si elle est... Et c'est seulement une fois qu'elle est morte que Lancelot envisage vraiment que ça aurait pu être une possibilité. C'est vrai que les vavasseurs ont un petit côté de lumpen noblesse dans la littérature arthurienne. Lumpen noblesse. Et donc, elle commence à s'éprendre de Lancelot. Elle lui dit « Promettez-moi de faire quelque chose pour moi. » Puis Lancelot se dit « Oh, ça tourne toujours bien, ça. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Eh bien, portez ma manche au prochain tournoi. Il accepte parce qu'il s'est engagé d'avance. Et elle commence à s'éprendre de lui. Il laisse notamment son bouclier là. Et du coup, c'est ça qui va permettre plus tard de le reconnaître, parce qu'il a laissé son bouclier écu. Là, d'ailleurs, qui est un bouclier qui n'est pas son bouclier typique dans la culture arthurienne, disons. Normalement, dans le Lancelot, on avait vu qu'il avait trois bandes de gueule. C'est un bouclier d'argent à trois bandes de gueule. Blanc. Le texte nous dit sinople. Donc, si vous voyez sinople, quand on fait référence aux armoiries de Lancelot, en fait, c'est du rouge, parce que sinople, à la base, voulait dire rouge. Puis, le vert était trop confus, parce qu'on pouvait confondre vert et vert, V-A-I-R, donc la fourrure. Mm-hmm. Et on va voler sinople au rouge, puis devenir le vert. Mais oui, c'est trois bandes rouges sur fond. Merci, monsieur Pastoureau. Voilà. Donc, normalement, il avait ces trois bandes rouges sur fond blanc. D'ailleurs, c'est impliqué très fortement que ce bouclier a des pouvoirs magiques qui rendent Lancelot très fort, parce qu'il faisait partie des boucliers qu'une des servantes de la Dame du Lac lui avait donné et qui augmentait à chaque fois sa force. Là, au contraire, il a un bouclier d'argent à deux lions bleus qui sont couronnés. Bon, on peut comprendre aussi que c'est peut-être un bouclier familial. Mm-hmm. Ça pourrait être les deux royaumes de, je sais pas, Gaune et Benoïc, ouais, à tout hasard. Non, mais enfin, ça semble être plutôt un... Ça ressemble plutôt à une armoirie familiale, alors que les armoiries que lui donne la Dame du Lac sont des armoiries personnelles ou particulières. D'ailleurs, il va reprendre un bouclier semblable à celui de la Dame du Lac plus tard dans le roman. Il va donc au tournoi de Winchester, ils se battent avec le fils du vavasseur, ils se battent pas dans le même camp. Lancelot remporte le prix du tournoi, bien sûr, mais il est blessé grièvement par Bort, qui sait pas que c'est lui. En fait, ils arrivent au tournoi et ils voient, traditionnellement, il y a deux oppositions, il y a ceux du château et ceux du dehors. Et là, ils vont en fait avec le côté qui a pas tous les chevaliers arthuriens qui sont constitués. Du coup, Lancelot veut rejoindre le côté le plus faible, en fait, parce qu'il n'y a pas d'honneur à rejoindre les plus forts et à gagner. Il Lancelot est donc très gravement blessé, mais on pense qu'on va réussir à le soigner. Il reste au lit 6 semaines chez la tante, ou en tout cas la parente du fils du vavasseur qui l'a accompagné. Et Gauvin se met en quête parce qu'il dit « J'ai bien envie de savoir qui était ce chevalier à la manche mystérieux qui a gagné le tournoi. » Et il va essayer de le trouver. Gauvin et Gaëriette se lancent donc dans la quête Gareth. Je crois qu'il l'appelle. Je sais plus si c'est Gaëriette ou Gaëriette ou Gaëriette qui appelait Gareth en anglais, mais ça me fait toujours marrer de voir Gaëriette, c'est le nom. De... Et en fait, c'est Gareth. C'est genre le gallois moyen. Et donc, ils se lancent sur la quête de Lancelot. Donc, on a quand même un petit reste de toutes ces romances et du Lancelot propre où on cherche des chevaliers. On commence très proche, en fait, du Lancelot ou autre. On entre vraiment, on a un tournoi, on s'amuse bien. Oh, on a paumé un chevalier qui est en train de mourir quelque part dans la campagne. On va tous aller à sa recherche. De Gauvin et Gareth. Gareth, c'est son frère, hein, donc. Mm-hmm. C'est le frère de Gauvin. Ah oui. Donc oui, Gauvin et son frère Gareth sont en chemin pour retrouver Lancelot. L'on perd sa trace. Il voit bien un chevalier mort, mais il a été tué par un sanglier. J'ai pas très bien compris cet épisode, parce que, pour le coup, il n'y a aucune explication autre que il est mort, tué par un chevalier, par un sanglier, et c'est tout. Il n'y a aucun rapport. Y a en fait l'idée que ça crée un peu de tension, je pense, parce qu'ils pensent que c'est peut-être la personne qu'ils cherchent, et ils se disent « Ah non, il est mort !» Et puis en fait, non, c'est un autre type random. C'est assez vite dispersé, quand même. Ils ne le trouvent pas, ils s'en retournent du coup à Winchester. Tout le monde se discute, mais qui était ce chevalier anonyme avec aux armes vermeilles et à la manche sur le home. Et en fait, c'est seulement Arthur qui sait qui est ce chevalier, parce qu'il s'est bien douté que c'est Lancelot, du coup, vu qu'il sait que Lancelot est quand même venu au tournoi, s'inquiète quand même vachement. Et il se demande vraiment où est Lancelot et ce qu'il est devenu, parce qu'il a vu qu'il était très blessé. Il annonce un tournoi qui aura lieu à Tannbourg, donc c'est Édimbourg en fait, en l'occurrence, un mois plus tard. Et ils s'en reviennent à Camelot. Et sur le chemin du retour, vu que entre Camelot et Winchester, il y a Escalotte. Et Escalotte, où Lancelot n'est pas, donc, puisqu'il est chez la tante du vavasseur, la belle-sœur du vavasseur, la tante de la demoiselle de Charlotte d'Escalotte, il s'arrête à la cour. Et là, pour le coup, Gauvin, qui fait son Gauvin, il fait la cour à la demoiselle d'Escalotte. Mais la demoiselle d'Escalotte va le repousser parce qu'elle est amoureuse d'un autre. Et elle va lui montrer l'écu de ce chevalier que Gauvin, évidemment, reconnaît tout de suite, puisque c'est l'écu que Lancelot avait laissé. Il reconnaît donc que c'est Lancelot, et du même coup que c'est Lancelot, qui était ce chevalier à la manche, aux armes vermeilles, qui a gagné le tournoi et qui a été grièvement blessé. Du coup, vu que c'est Lancelot, Gauvin se dit « Bon, je peux bien lui pardonner de ne pas être amoureuse de Moira, parce que c'est Lancelot, évidemment, le seul qui est meilleur que tout le monde. » Et donc, il s'excuse auprès de la demoiselle Lescott. Mais ce qui est bien important de le préciser, c'est qu'elle ne lui dit pas le nom, comme on l'a mentionné avant, de ce chevalier, parce qu'il ne lui a pas dit son nom, Lancelot. Elle n'est pas dans une relation avec lui, elle est juste amoureuse de lui, mais elle ne connaît même pas vraiment son nom. Et je crois que Gauvin sait, lui dit que c'est Lancelot, mais ce n'est pas elle qui l'informe. Gauvin dit même « Je suis content de le savoir maintenant car Lancelot est si discret envers tout le monde qu'on n'a jamais pu savoir à la cour s'il a été amoureux que ce fût d'une dame ou d'une demoiselle. » Et ce sera mentionné, je crois, ailleurs, que bon, il a bien dû être amoureux de la fille du roi pêcheur Hélène parce que il a eu un enfant avec elle. Mais au-delà de ça, les gens n'ont pas l'air de savoir que... Avant ça, Lancelot devait être plutôt discret parce qu'il ne savait pas apparemment qu'il était amoureux de Guenièvre ou de qui que ce soit, d'ailleurs. Du coup, Gauvin transmet l'information à Arthur, qui est soulagé, parce que si la façon dont il verbalise la chose, Gauvin, c'est que il semble y avoir une relation entre Lancelot et cette fille, alors que c'était pas le cas. Elle-même n'est pas semble pas particulièrement elle est pas très claire sur le sujet, mais ce qui semble clair pourtant, c'est que il y a pas de relation. Mais Gauvin et Arthur, ils voient le signe que du coup Lancelot est amoureux d'elle aussi, et que il y a aucune raison de croire à Gravin qui dit des bêtises sur Gauvin, sur Guenièvre et Lancelot. Mais c'est intéressant parce que justement c'est ce que Gauvin dit à Arthur au sujet de la fille du roi Pélès, c'est dire on sait qu'il l'a aimée, et en fait Gauvin part du principe qu'il y a une relation amoureuse là derrière. Oui, c'est alors ça. Que c'est un enchantement, c'est quelque chose qui était, il y avait une fourberie, un enchantement où Lancelot a été trompé à coucher avec la fille du roi Pélès en croyant que c'était Guenièvre. Et là pareil, il n'y a pas de preuve concrète d'une relation, mais il infère qu'il y en a une en fait. Du coup, quand il s'en retourne à Camelot, ils vont annoncer à la reine que c'était Lancelot qui s'est en fait barré et qui allait tournoyer à Winchester, et que du coup c'est lui qui portait la manche d'une autre demoiselle dont il semble avoir une relation. Et c'est là que Gauvin effectivement dit que elle lui a dit que c'était cette demoiselle lui a dit qu'elle était amoureuse de Lancelot, et ce qui n'est pas le cas. Et effectivement la reine est furieuse parce que Elle sans pense... pouvoir le dire clairement, Lancelot est son amant, c'est son chevalier, c'est seulement sa manche qui devrait porter, pas celle d'une demoiselle, même en ayant fait une promesse de don un peu hasardeuse, comme les chevaliers le font très souvent hein, dans la matière de Bretagne. Et du coup, elle boude, mais sans pouvoir dire clairement pourquoi elle boude, parce que, bah, évidemment, si elle le dit, c'est pas très clair. Sans pouvoir le dire, sauf à Bors, qui est au courant. Oui, parce que toute la maisonnée... Je sais pas si c'était vraiment le cas dans le Lancelot aussi nettement que ça, mais là... Toute la maisonnée de Lancelot, tous ses cousins, cousines, toute sa famille est parfaitement au courant et protège les deux amants. Du coup, Bort, du coup, va lui dire « Mais non, ne vous inquiétez pas, je ne pense pas que Lancelot vous a trahi. Je pense que Lancelot, sincèrement, veut trahir votre mari en couchant avec vous. » Enfin, c'est pas ce qu'il dit, mais c'est le sens de ce qu'il dit. Ce qui est très rigolo, parce que Bort est ce chevalier du Graal revenu, béni des dieux, béni de Dieu, béni porte-parole du Christ sur Terre, ou peu s'en faut. Et là, il est en train d'encourager et de rassurer un adultère, en fait. Ce qui est très, très rigolo, quoi. Mais Guenièvre, et qui parle bien de la déconnexion, en fait, finalement, même si elle n'est pas, dans les faits, déconnectée, parce qu'il y a un lien entre les deux, la déconnexion thématique entre la caisse d'El Saint Graal et puis la mort du roi Arthur. C'est vrai que Bort, on s'attendrait à ce que ce soit un peu le cul béni qui soit en train de dire que c'est pas très bien, parce que c'était lui le seul rescapé, le seul des compagnons du Graal à avoir pu accéder à ces mystères, et que là, il souscrit à ce qui est objectivement pas terrible. Mais en fait, d'ailleurs, la seule chose qui va être vraiment connectée à ça, c'est un discours misogyne qui fera plus tard envers Guenièvre sur le fait que tous les grands hommes sont tombés par la faute d'une femme, et puis je cite des exemples bibliques et historiques, et même Tristan et Iseux, on le mentionnera après. Mais là, justement, Guenièvre bannit, elle dit qu'elle veut plus voir Lancelot, et du coup, Bort et un peu le clan de Lancelot décident de quitter la cour pour le retrouver et puis partir avec lui en Gaule. Parce que ils n'ont plus de raison de rester chez Guenièvre. Bah, c'est ça, ils étaient là. En fait, c'est assez révélateur. Ils n'ont aucune raison de rester en Grande-Bretagne. À part la relation entre Lancelot et Guenièvre, elle oriente en fait la vie de tout le clan, et c'est aussi, ça montre aussi un peu l'importance que ce truc a, c'est que finalement si Lancelot se fait, a plus de raison d'être là, nous on a plus de raison d'être là non plus. La déconnexion avec Arthur aussi, et du coup ils vont se rendre à Tannebourg, à Édimbourg, pour participer au prochain tournoi en restant chez le roi de Norgal. C'est curieux, l'usage de Norgal, le mot Norgal implique vraiment le royaume de Galles du Nord, donc le royaume de Gwynedd au nord du pays de Galles, mais la façon dont c'est géographiquement présenté semble indiquer quand même soit que Camelot est au Pays de Galles et que du coup c'est logiquement sur leur chemin, soit que on est plutôt plus au sud, que Norgal regroupe aussi le royaume du Strathclyde, donc à la frontière avec Edimbourg, avec l'Écosse. Ils se rendent là-bas, et il faut préciser aussi que ce départ en fait des chevaliers de Lancelot va plus tard être exploité, parce que le fait qu'il n'y ait pas de chevaliers proches de Guenièvre comme ils le sont eux va, quand Guenièvre va, on va le voir, accidentellement tuer un autre chevalier. Beaucoup de meurtres accidentels dans la mort de roi Arthur aussi. Quand elle va avoir des soucis judiciaires et qu'elle va devoir avoir besoin d'un chevalier pour la défendre, il n'y aura personne sur place qui sera volontaire pour la défendre, puisque les autres chevaliers d'Arthur, ce qui est un peu triste, parce sont plus loyaux à Arthur qu'à elle. Dans le Lancelot, mais dans l'épisode de la fausse Guenièvre, il y avait quand même que Gauvin, Yvain, qui se scandalisait du sort qui lui était réservé, et quand même que se serait mis sur la ligne pour la défendre, en fait. Donc c'est assez triste pour ça. C'est une évolution finalement assez logique de cette séparation des deux cours à l'intérieur de la cour Arthur-Guenièvre, cette distinction qui est faite entre ceux qui servent Lancelot et Guenièvre et ceux qui servent pas Arthur. Ce que je souligne encore, c'est que Guenièvre dit justement, en son fort intérieur, elle pense à Dieu, qui saura jamais trouver de la loyauté chez un chevalier ou un homme quelconque dès lors que la fausseté s'est installée dans le cœur du meilleur entre les bons. Donc il y a l'idée que voilà, si on peut même pas compter sur Lancelot, ce parfait prince charmant, à qui peut-on se fier? Et elle dit justement à Bort, je vous assure que quelques dames ou demoiselles l'a séduit à l'aide d'un filtre ou d'un sortilège, si bien que jamais plus de sa ville n'aura de relation intime avec moi, ni moi avec lui. Donc on est encore dans ce monde où il y a des filtres et des sortilèges. En fait, il n'y en a pas, il n'y en aura pas dans cette histoire-là. Mais on est encore dans cette espèce de mode explicatif. Donc après le tournoi de Tannebourg où ils sont logés vers le roi de Norgal, Lancelot est resté toujours souffrant, un peu alité pendant plus d'un mois. La demoiselle d'Escalotte arrive, elle le soigne nuit et jour jusqu'à ce qu'il soit guéri. Elle devient de plus en plus amoureuse de lui, ce qui est un peu un problème. Elle lui déclare sa passion. Il la rejette en lui disant qu'il aime déjà quelqu'un, il a déjà réservé son cœur à quelqu'un, et que donc il ne peut pas réciproquer ses sentiments. Elle est complètement désespérée, elle prévoit qu'elle va mourir, qu'elle va dépérir de chagrin, justement, prochainement. Et même voilà, Lancelot dit « Oh non, je peux pas faire grand-chose ». On avait eu un peu le même genre de problème dans la préparation, dans la fin de Lancelot, justement, où des gens où Lancelot était soigné par une dame qui était amoureuse de lui, puis du coup il devait temporairement réciproquer ses sentiments pour être soigné sans mourir et puis sans qu'elle meure de chagrin. Et ils s'en étaient sortis parce qu'ils avaient accepté d'avoir une relation purement chaste, en fait. Et c'était ça, vraiment, le problème. Alors que là, pas du tout, parce que lui, il essaie de proposer plus ou moins la même chose, mais elle ne veut pas, en fait. Il prend un échec des négociations, là. Il faut préciser aussi que c'est rigolo, c'est que lui, il veut à tout prix aller au tournoi de Tannebourg, ouais, mais que son médecin lui dit « Non, mais vous êtes fou, vous êtes encore trop malade. » Lancelot arrache ses perfusions, il faut que j'y aille. Et du coup, en fait, c'est ça qui va permettre à lui d'être retrouvé, puisque un écuyer, le frère de la demoiselle d'Escalotte, va se rendre à Tannebourg et il va dire « Ah, c'est quand même rigolo, j'ai rencontré le chevalier le plus fou de tous les temps. » Ou non, pas un chevalier, c'est un écuyer du... Un écuyer qui est envoyé, en fait, par Lancelot, pas le fils du Valasseur d'Escalotte, qui va aller annoncer vraiment à la cour qu'en fait, Lancelot voulait se rendre, mais il était trop malade pour le faire. Et le problème, c'est qu'il refuse de dire où se trouve Lancelot. Ouais. Et du coup, Gauvin et les cousins de Lancelot et son frère, Hector démarre. C'est ce que Lancelot lui a demandé. Il lui a dit ne leur dis pas où je suis. Bon, pourquoi? On ne sait pas trop. Parce que, bon, il voulait aller au tournoi à la base, mais bon. Et du coup, ils vont partir à sa recherche. Le tournoi se conclut par une victoire de Gauvin et Porte. Arthur va de nouveau annoncer un tournoi à Camelot cette fois-ci un mois plus tard. Tu sens vraiment que il se passe plus rien. Il y a tellement plus de... C'est la justification de ces tournois, c'est aussi que la quête du Graal est finie. Donc il faut bien occuper les chevaliers et on va faire des tournois réguliers pour être sûr qu'ils passent pas leur temps à faire des choses, disons, moins savoureuses. Ils vont expliquer à Guenièvre pourquoi Lancelot ne vient pas. Parce que Guenièvre se sent abandonné par Lancelot et Gauvin va dire « Non, mais vous inquiétez pas. » Il est juste en train de mourir. Il est juste en train de mourir. mais elle le déteste toujours au plus haut point parce qu'elle pense qu'il l'a juste abandonné pour la demoiselle d'Escalotte. Et c'est là qu'en fait, ils vont finalement se rendre, ils ont l'idée de se rendre à Escalotte, où ils vont apprendre « Non, il est chez ma belle-sœur, ma sœur, chez la tante de mes enfants. » Et c'est là qu'il le retrouve, en fait, où il est presque guéri maintenant. Et il découvre aussi que, en fait, c'est Bort qui l'a blessé au tournoi de Winchester. Bort lui-même n'était pas au courant, en fait, ne se rendait pas compte. Et c'est Gauvin qui le apprend, en fait. C'est extrêmement drôle parce que, justement, Gauvin dit à Lancelot « Mais vous savez qui vous a fait cette blessure, Lancelot-là ? » ?»« Ah, mais si je savais qui c'était, je pense que, avant qu'il quitte toi, je lui ferais sortir devant tous ceux du champ si mon épée est capable de trancher de l'acier. Et s'il m'a fait couler le sang du côté, je lui en ferais couler autant ou même davantage de la tête. » Et là... Je cite, Gauvin se mit alors à battre des mains et à manifester la plus intense joie du monde, disant à Bort, Bort, on verra bien ce que vous allez faire, car ce n'est pas l'homme le plus lâche du monde qui vous menace, et s'il m'avait ainsi menacé, je ne me sentirais jamais tranquille avant d'avoir fait la paix avec lui. Donc Bort se délecte un peu de cette espèce de blessure. Gauvin se délecte du fait que Bort a blessé Lancelot sans le savoir, puis que Lancelot professe que je vais me venger. Et c'est assez intéressant qu'on ait cette espèce de... avant l'heure où Gauvin m'a dit « Ah, j'aimerais vraiment pas être dans une vendetta avec Lancelot, Dieu m'en préserve !» Et puis Lancelot dit « Comment ? C'est vous qui m'avez frappé ?» Bien sûr, il va lui pardonner parce que... C'est Bort, quoi. C'est Bort. Mais Bort s'afflige et est triste parce qu'il aurait bien pu tuer Lancelot dans cette affaire. Mais on nous dit ensuite que Monseigneur Gauvin revenait avec plaisir sur cette affaire parce qu'il avait compris que Bort en était aussi humilié et aussi abattu que s'il avait commis le plus grave méfait du monde. Donc Gauvin est en train de tourmenter Bort avec ça. Oui, il y a ce côté vraiment que Gauvin est un peu ce trickster un peu qui est... Il est très sadique, très sardonique. Et puis c'est peut-être qu'on disait avant sur quand il va révéler la relation à Guenièvre, peut-être qu'il y a ça qui est en jeu aussi, justement. Peut-être qu'il n'est pas si... entièrement naïf, mais peut-être aussi un peu manipulateur et sadique dans ce... Ou en tout cas, il est le personnage par lequel ses aiguillons parviennent aux autres personnages. Dans l'intervalle, alors qu'ils ont retrouvé Lancelot, Guenièvre, elle s'est rendue directement à Camelot. Le roi Arthur, par contre, lui, s'est perdu en chemin. Il s'est garé dans une forêt où, en fait, on nous apprend que c'était la forêt où se trouve la tour de Morgane, là où elle avait emprisonné Lancelot. Et il envoie sa Gremor trouver du logis, en disant dans un logis une tour richement ornée. Et là, le roi ne reconnaît pas qui est la maîtresse du logis, mais il est logé par Morgane, avec ses hommes. Et d'ailleurs, ce logis, c'est intéressant, c'est peut-être la seule occurrence plus ou moins surnaturelle. La façon dont sont dépeints les habitants du logis par le texte, t'as vraiment l'impression de voir une espèce d'assemblée d'elfes ou de fées un peu surnaturelles, quoi. T'as l'impression, il nous dit que le texte, que les chevaliers voient les habitants les plus richement habillés, les plus noblement Enfin, c'est vraiment l'impression que c'est un peu surnaturel, en fait, cet endroit. Un très grand étalage de richesse, une quantité énorme de cierges qui éclaire énormément le bâtiment. Et aussi, autre signe d'anormalité surnaturelle, le portier dit à Sagremor, « Attendez donc un peu, s'il vous plaît, le temps qu'il faut pour en parler avec madame qui est là-haut dans sa chambre, et je reviendrai avec sa réponse. Comment ? N'y a-t-il donc point de seigneur ? Non ! Va donc vite, chérie !» Sagremor est étonné du fait que le château de Morgane tourne apparemment sans qu'elle ait un seigneur. Ce qui est vrai que c'est assez intéressant, en fait. Elle a toujours ce personnage un peu d'enchanteresse, mais on va pas la voir faire usage de magie là-dedans. Non, à la place, elle va loger Arthur, par un goût un peu sadique, dans la chambre où Lancelot était prisonnier. Et en fait, il va rapidement, sans qu'elle ait besoin vraiment de lui expliquer, voir. Et on nous dit qu'il sait lire, en fait. Donc il peut comprendre. Parce que Lancelot, bien sûr, avait écrit une clé d'interprétation sur le mur, visiblement, parce qu'il a écrit des légendes pour expliquer quelles peintures sont capables. Au lieu de voir une reine et un chevalier s'embrasser, et dire, ça trouve, c'est l'histoire de Tristan et Iseult. Non, c'est bien. Le texte précise bien qu'il peut lire sous les panneaux et il voit que c'est l'histoire de Lancelot et Guenièvre. Et il explique aussi, Morgane lui explique aussi que, alors que lui ne la reconnaît pas, qu'elle est sa sœur, en fait. Mm-hmm. D'ailleurs, sa sœur n'est pas sa demi-sœur, elle est la fille de Ygerne et de Uther Pendragon, donc... On ne sait pas si elle ment ou si elle est... L'implication est qu'elle est vraiment... En tout cas, toujours est-il qu'elle a toujours cette haine impossible contre Guenièvre, qui, on s'en souvient, avait interféré dans l'histoire d'amour entre Morgane et son amant, tel que ça nous avait été expliqué dans le Lancelot. Et elle va raconter, expliciter, en fait, les peintures, notamment l'histoire de l'amour entre Lancelot et Guenièvre et le rôle joué par Gallo spécifiquement. Heureusement que Gallo est mort d'ailleurs, parce que sinon tu sens que plusieurs personnages auraient des choses à lui redire dans ce roman. Et maintenant il est convaincu que les deux amants sont coupables, parce que du coup il a vu l'équivalent d'une confession, et il décide donc d'aller les punir, et Morgane le pousse à se faire. Et ce qui est rigolo, c'est que dès qu'il va revenir chez lui, dès qu'il va quitter le château de Morgane, ses certitudes vont un peu commencer à vaciller, en fait. T'as l'impression que tant qu'il le voit, tant qu'il a les peintures devant les yeux, il est sûr, mais il va un peu se persuader qu'en fait, non, mais il a du mal voir, ou que c'est peut-être pas le cas, c'est en fait, parce que c'était juste un rêve. C'est assez curieux, comme fait, il voit l'épreuve, l'autoconfession de Lancelot, mais il va avoir le doute quand même. Est-ce que Morgane lui... Alors, peut-être qu'on peut comprendre aussi que Morgane, il pense que Morgane peut lui avoir menti aussi. Morgane essaie de le pousser justement à la branche en disant « Mais est-ce que t'es un vrai bonhomme ou quoi ?» Car dans le cas contraire, si tu ne te vengeais pas, Dieu et le monde entier devraient vous réprouver, car on ne peut pas l'appeler un roi, ni même un homme, Neroas Neom, celui qui supporte qu'on le couvre d'un tel opprobre, d'une telle ignominie. Donc il faudrait quand même qu'il fasse quelque chose. Mais encore une fois, Arthur reste concerné par l'idée qu'il veut être sûr. Il veut vraiment être sûr qu'il y a quelque chose qui est en jeu, là. Oui, parce que c'est pas parce qu'il y aurait des sentiments entre Lancelot et la reine que ce serait nécessairement un adultère qui mériterait d'être puni. Ce qu'on peut comprendre là-dedans, c'est aussi que s'il y avait une relation d'amour courtois, chaste, entre Lancelot et Guenièvre, on sait pas très bien ce qu'Arthur pourrait y faire, en fait. L'idée, vraiment, qu'ils doivent être pris dans le même lit, in flagrante delicto, vraiment, des yeux vus. D'ailleurs, la plupart des raisonnements de punition et de mort au Moyen-Âge sont pas tels qu'ils vont être décrits plus tard, se traduisent pas par la mort des amants surpris d'adultère, puisque la mort est seulement possible si c'est sur le moment le mari qui tue l'amant. Et là, il est autorisé, ça c'est autorisé parce que c'est sur le moment et on considère que c'est sa réaction naturelle. Mais s'il le fait pas, c'est fini, il peut pas le faire. C'est pas une punition qui est mortelle. C'est pas considéré comme c'est pas un crime qui mérite d'être puni de mort, en fait. Pour l'amant, en tout cas. Pour l'amant, en tout cas. Après, pour la femme, c'est un petit peu plus. C'est plus rude, mais c'est pas sous-entendu qu'elle doit nécessairement mourir, il me semble, en général. Alors que là, dans le texte, on va, elle va être quand son adultère va être prouvé, entre guillemets. On va la mettre sur le bûcher. Oui, on avait déjà vu ça dans le Merlin, dans les romans arthuriens, il y a souvent cette idée que dans le temps, le châtiment était encore plus brutal et simple. Donc le recours au bûcher, quoi. Le recours au bûcher immédiatement. En l'occurrence, dans l'intervalle, il va rentrer à Camelot et la demoiselle d'Escalotte, pendant ce temps, donc chez sa tante, où Lancelot se prépare lui aussi à retourner à Camelot, va lui annoncer que que s'il la quitte, elle va mourir. Et Lancelot dit « Then perish ». Oui, c'est ça, c'est assez... il est assez « Bah, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, quoi ?» Je peux rien faire. Il anoblit aussi les fils du Vavasseur, justement, les deux frères d'Escalotte, les deux frères de la demoiselle. Il leur donnerait des terres ou des biens héréditaires dans le royaume de Benoïc ou dans celui de Gaulle. Dès que vous voulez, je vous donne des terres là-bas. Ce qui est intéressant, parce qu'il a refusé d'être le roi de ces pays, mais il se sent quand même... On voit que c'est quand même lui l'héritier, il se sent légitime à donner des terres à ces gens là-bas. Mais ça souligne encore le lien qu'il a avec ces terres, même s'il a explicitement refusé ça. Même si Lionel est techniquement le roi de Gaune, ou Bort, ou Lionel sont techniquement les souverains de Gaune, c'est... Lancelot a ce rôle de roi supérieur. Oui, l'oreille supérieure. Ils vont donc retourner à Camelot, où Guenièvre est toujours en colère contre Lancelot, évidemment. Et Bort va essayer de jouer les entremetteurs et va rappeler à quel point, en général, c'est plutôt les hommes qui sont trahis par les femmes que les femmes par les hommes, notamment en faisant référence à David, Samson et Tristan, dont il précise que pauvre Tristan, dans toute cette affaire qui a eu lieu il y a moins de 5 ans. Donc vraiment, là, l'intégration nette de l'histoire de Tristan et Iseult dans le mythe arthurien, même si c'est pas vu explicitement, ça s'insère probablement pendant la quête du Graal, d'ailleurs, en fait. Si on se fie à la temporalité qui est décrite ici, pendant cette quête d'El Saint Graal, où on a toujours ces laps de temps de genre 5 ans qui se déroulent entre le moment où Perceval et Galad se retrouvent, par exemple, après s'être séparés, bah, on peut bien imaginer qu'il s'est passé pas mal de choses dans cet intervalle-là et que l'affaire de Marc, Tristan et Iseult a eu lieu à ce moment-là. Oui. Un autre passage qui est assez intéressant dans le terme de la continuité, c'est qu'après cette mention de héros bibliques, donc David, Salomon, Samson, mais aussi païens, donc Hector et Achille, tous condamnés à mort à cause d'une femme, Bort lamente justement que si Guenièvre déteste véritablement Lancelot, il dit que c'est au grand préjudice de toute notre famille, et voilà pourquoi je suis très affligé que l'affaire évolue ainsi. Certains qui ne l'auront pas mérité subiront des pertes à cause de votre amour. Et commence à sentir que ça va poser problème. Et aussi, il mentionne justement que Lancelot a toutes ses vertus et toutes ses qualités. Il est tellement parfait, il est tellement beau et bon et vaillant. Par ailleurs, il est issu d'un si haut lignage par son père et par sa mère que dans le monde entier, on ne connaît pas d'homme plus noble que lui. Donc ça, c'était un peu l'ambiguïté qu'il y avait dans le Lancelot, on l'avait déjà dit. D'une part, il y a ces lignages fabuleux qui remontent à Joseph d'Arimathie ou à sa parenté proche, qui sont donc les plus grands lignages du monde. Et d'un autre côté, il y avait une notion un peu démocratique où la Dame du Lac disait « Mais finalement, toute l'humanité descend de Adam et Ève, donc finalement, il n'y a pas de lignage qui vaille plus que l'autre. » Et ça, c'était un peu l'ambiguïté. Là, on rattache à l'idée que Lancelot vient par son père et par sa mère d'un haut lignage, ce qui n'est pas toujours le cas. Disons, il y a deux traditions un peu concurrentes, c'est que dans le Lancelot, Lancelot est uni au lignage du roi David par sa mère et à celui de Joseph d'Arimathie par son père. Mais dans la quest d'El Saint Graal, comme on veut faire comprendre que Galad est encore plus spécial que Lancelot, bah c'est en Galad que ces deux lignages s'unissent par la fille du roi Pélès, justement. Donc là, on revient un peu au Lancelot, où on dit non, en fait, Lancelot, son père et sa mère ont les deux des lignages nobles et il en est de l'union. Bon, remarque, selon la caisse, le lignage du père de Lancelot, c'est Nacien, donc c'est le roi, un des premiers rois convertis par Joseph d'Arimathie. Oui, mais c'est pas non plus le pire des cas. Hein. Ouais. Effectivement, il y a cette espèce de confusion-là qui est pas vraiment résolue par le Lancelot Graal, quand même. Il ne dit pas nettement de qui il est le descendant, officiellement. Et Frappier a essayé de reconstituer une espèce d'arbre où ce serait en fait le fameux, on avait vu le grand-père de Lancelot qui avait été décapité, puis à sa tête qui était dans une fontaine qui boue. Et Frappier avait essayé de conclure que c'était ce Lancelot-là qui était l'union des lignages, donc il y aurait une espèce de confirmation incestueuse et perpétuelle où les lignages n'arrêtent pas de se ramifier encore. Bah, c'est comme, encore une fois, comme Aragorn et Arwen qui sont, même s'ils se réunissent, sont déjà parents parce que Aragorn est l'arrière, etc. Petit neveu de d'Elrond, donc oui. on pourrait vraiment y voir quelque chose de ce goût-là. C'est si beau. Voilà, l'inceste. Non, plus sérieusement, c'est aussi ce signal, en fait, cette négociation échouée que Bort a avec la reine va de nouveau signaler un départ, puisque Lancelot ne peut pas se réconcilier avec la reine dans l'immédiat, donc il va partir. Et ainsi vont également le faire Bort, Lionel et Hector Desmar. Hector Desmar, quand même, hein, c'est un personnage qui était assez présent dans le Lancelot, mais qui n'était pas vraiment aussi aligné aussi nettement avec Bort, Lionel et Lancelot. On s'en souvient, hein, Bort et Lionel étaient ennemis mortels dans la caste, hein, ouais. Si vous vous souvenez, avec cette espèce de combat à mort entre les deux, là. Donc, il y a de nouveau, l'état des forces en présence telles que le décrit la mort le roi Arthur est quand même un petit peu différente de ce qu'on a vu jusque-là dans ce réalignement. À propos de après ce discours de Bohort sur les femmes traîtresses, on va voir un motif. D'ailleurs, je me demande s'il n'a pas mentionné Ève, justement, parce que c'était un peu trop évident avec le chapitre suivant. L'épisode du fruit empoisonné, où Guenièvre va accidentellement donner un fruit empoisonné qui lui avait été envoyé par Avarlan. Chevalier qui n'aime pas Gauvin, je crois. Il voulait tuer Gauvin. Il s'est dit, je vais donner ce fruit à la reine, et la reine va le donner à Gauvin. Mais en fait, la reine l'a donné à un chevalier dont on n'a jamais entendu parler jusque-là. Gaëris de Carae, qui est le frère de Mador de la Porte. Donc, et lui, on connaît. Il meurt, la reine proclame son innocence et le roi dit, quelle qu'ait été son intention, l'acte est criminel parce qu'il a un raisonnement très conséquentialiste. Ah non, c'est homicide par négligence au moins, on pourrait dire. Elle pourrait en souffrir si quelqu'un décide de se plaindre. Parce que bien sûr, s'il n'y a pas de partie civile, c'est peut-être pas le bon terme, mais s'il n'y a pas quelqu'un qui se plaint, il n'y aura pas vraiment de procédure ou de jugement qui va être ouvert. Il n'y a pas de procureur à la cour d'Arthur, il n'y a pas de ministère public qui se saisit automatiquement des dossiers. il faut avoir un préjudice. Or, il n'y a pas de parents. De... C'est assez dramatique quand même. Il n'y a pas de parents de Gaheris de Carreux. Et en plus, il y a plein de témoins, vu que ça s'est passé à un banquet à la cour d'Arthur. Donc, tous les chevaliers, absolument tous les chevaliers, ont vu ce qui s'est passé. Ils ont vu Gaheris mourir de la pomme empoisonnée que lui avait donnée Guenièvre, sans même se demander d'où c'est que Guenièvre a sorti la pomme. On aurait pu se dire, mais quelqu'un a dû bien la donner. On aurait pu penser que c'est l'écuyer qui l'a donné à Guenièvre. Mais non, même si Guenièvre aurait pu en mourir si elle avait eu la mauvaise idée de mordre dans la pomme. D'ailleurs, le fait qu'elle l'a empoisonné et qu'il est mort par sa faute n'est pas controversé. On le met sur sa tombe. Sigi Gaheris le Blanc de Carreux, le frère de Mador de la Porte, que la reine Guenièvre fit mourir par le poison. Donc, présomption d'innocence, bon, pas vraiment. Mais c'est pas encore, il y a pas encore de procès en jeu. Donc du coup, en attendant le tournoi de Camelot qui doit toujours avoir lieu, Lancelot qui est parti chez un ermite pendant un petit moment, il est blessé par un veneur d'Arthur qui est en train d'aller chasser dans les bois et qui a essayé de viser un cerf et qui l'a touché lui en fait. Lancelot est clairement un avatar d'Adonis qui représente le cycle de la végétation. Tout ça c'est juste une excuse en fait pour que Lancelot ne se rende pas au tournoi. D'ailleurs le tournoi n'a pas lieu parce que même s'il était pas blessé, il aurait pu rester, peut-être qu'il serait resté après le tournoi. Et en fait le problème c'est que l'histoire ne veut pas que ni Lancelot d'ailleurs ni sa famille restent à la cour, puisque autrement la péripétie suivante ne pourrait avoir lieu dans sa forme telle qu'elle est là, puisqu'après le tournoi, donc une fois que la famille Lancelot et compagnie a quitté Camelot, Mador de la Porte arrive à Camelot, se rend à l'église Saint-Étienne, voit la tombe de son frère, donc il apprend que son frère est mort, il voit que sur la tombe il est dit que c'est la reine Guenièvre qui a tué son frère par le poison, donc par traîtrise, ce qui est encore pire que si elle l'avait tué d'un coup d'épée dans la nuque, probablement. Et du coup il demande justice. Et comment, quelle justice? Bah, c'est vite vu, elle doit mourir. Donc du coup il va devant le roi, il lui rend l'hommage, il renonce à son hommage au roi, il lui rend le fief que le roi lui a accordé, puisqu'il ne veut pas avoir de lien légal avec le roi. C'est un motif qui rend explicite en fait ce que Lancelot avait fait en refusant de devenir l'homme liege d'Arthur. Il est en conflit avec Arthur, donc il ne peut pas être son homme liege. Ce qui n'est pas vrai en fait, il aurait pu très bien rester, il y a des tas de conflits entre seigneurs et leurs hommes liges. Mais simplement, là, ça met en scène l'annoncement et l'opposition entre les deux. Donc il accuse la reine, donc non seulement de meurtre, mais de meurtre prémédité. Et le truc, c'est que personne ne peut nier que la reine a donné cette pomme à Gaheris. Donc personne ne veut la défendre. Et personne ne veut la défendre parce qu'il demande, là, l'issue doit être nécessairement que un champion doit se faire. Or, même Gauvin refuse de pense à tête et refuse de défendre la reine. Il dit, oui, mais je voudrais bien, mais je sais que c'est faux. Je ne peux pas la défendre en inconscience puisque elle ne l'a clairement pas donné. Et en fait, de nouveau, il va y avoir une opposition entre Gauvin et la chevalerie donc d'Arthur, qui est très les règles c'est les règles, hein, ma petite dame, on les refait pas, on peut pas les refaire, c'est comme ça. Et la chevalerie plus noble de la famille de Lancelot qui va immédiatement décider de c'est absurde, c'est clairement pas elle qui a eux qui sont les vrais raisonnables et qui ont la raison pure résonante. La famille de Lancelot, c'est des zététiciens en fait, ils peuvent te prouver. Qu'est-ce qui nous prouve que cette femme qu'est-ce qui nous prouve que l'intention de Guenièvre était... Bref, du coup, vu que personne ne veut défendre Guenièvre à sa cour, Arthur va lui accorder un délai de 40 jours, sur quoi Mador va quand même protester, mais il va revenir dans 40 jours donc. Et la reine était un peu désespérée parce qu'elle a écarté de sa cour à cause du conflit entre Arthur, entre elle et Lancelot, par rapport à la demoiselle d'Escalotte. Elle a écarté de la rôle les chevaliers qui auraient pu la défendre. Et arrive là un épisode qui est en fait très célèbre, notamment à cause de sa représentation graphique plus tardive et sa déviction par Tennyson et les pré-raphaélites ensuite, enfin un pré-raphaélite. Il y a plusieurs, hein. Il y a la barque, mais il y a aussi celui de la dame de Charlotte filant dans sa tour. Oui, c'est vrai. C'est pas le seul, la fameuse. C'est donc la barque funèbre de la demoiselle d'Escalotte, la dame des Escalottes, qui arrive. C'est assez proche de ce qu'on avait vu dans la première continuation, donc une barque qui amène un corps mort tout proche de la cour. Elle a une lettre sur elle qui explique, c'est disons le plus proche qu'on aurait d'un fantôme qui viendrait dire à la cour « Je suis mort », car là, on a une lettre qui a été écrite juste avant de mourir pour expliquer juste après ce qui s'était passé, où elle dit justement que la relation qu'elle avait, enfin l'amour qu'elle portait à Lancelot du Lac n'était pas réciproqué, et que, Lancelot n'était pas dans une relation avec elle. Gauvin reconnaît qu'il a eu tort de partir du principe que c'était le cas. Guenièvre se rend compte du coup qu'elle a eu tort de blâmer Lancelot, Mais du coup, ben, ça veut dire que ce dont Gauvin et Arthur s'étaient servis précédemment pour innocenter Lancelot disparaît. Il a plus cette espèce d'alibi qu'en fait, il était dans une relation avec la demoiselle d'Escalotte. Et Arthur a entre-temps vu les peintures au château. Donc, on peut comprendre que dans l'esprit d'Arthur, le procès intérieur de Lancelot commence à pencher du côté négatif et où il voit que Lancelot et Guenièvre sont plutôt coupables. Guenièvre le comprend, n'a pas encore cette peur-là parce qu'elle ne voit pas encore qu'il y a une menace. Parce qu'elle ne sait pas qu'Arthur a vu les peintures et elle ne sait surtout pas qu'Agravin est... Agravin est assez négatif. Hein. Elle n'est pas au courant de la, disons, du fait qu'Agravin se doute de quelque chose. Mais. Par contre, dans l'intervalle, Lancelot, lui, rencontre par hasard un chevalier de l'ogre alors qu'il est en train de se remettre de sa blessure chez l'ermite, hein, donc qui l'avait empêché de participer au tournoi. Vous vous souvenez, il a été blessé par un chasseur. Il va du coup demander à ce chevalier des nouvelles de la cour, et là, le chevalier va lui dire bah voilà. Personne n'a voulu défendre Guenièvre, elle va donc être mise à mort si, dans 40 jours, elle n'a pas de champion. Et en fait, Lancelot va décider directement de se rendre à Camelot, et sur le chemin, il va trouver Hector, qui lui aussi avait appris la chose, et qui est en train de se rendre à Camelot pour défendre Guenièvre, et plus tard Bort, qui, de la même façon, a entendu parler de l'affaire et est prêt à se battre contre Mador de la Porte. Du coup, même si la reine le déteste, Lancelot dit non, mais ça va être moi qui va combattre. Et il va donc envoyer Hector et Bort intercéder pour que la reine lui accepte qu'il soit son champion. Et lui-même arrivera donc le jour dit. La reine raconte à Bort, c'est un passage un peu curieux, parce que Bort dit à la reine que, vu que la reine a chassé Lancelot et que du coup il ne l'a pas retrouvé, il n'acceptera pas lui de la défendre, ce qui est assez sadique parce qu'il sait très bien que Lancelot va arriver. C'est peut-être une raison pour laquelle il a peut-être besoin d'une raison pour laquelle il ne se présente pas immédiatement comme son champion, parce qu'effectivement entre Hector et Bort, c'est probablement Bort qui est le plus vaillant des deux et donc qui devrait se battre pour la reine. Mais en tout cas, il refuse de dire à la reine exactement ce qui va se passer. Tout le monde continue à refuser de la défendre, même Gauvin de nouveau, hein. Et le roi conseille à la reine, mais qui lui-même ne peut pas défendre sa femme, hein, évidemment, conseille à la reine, mais vous devriez demander à Bort et Hector. Elle prie Bort, et Bort dit non, d'accord, voilà, s'il n'y a pas un meilleur chevalier qui arrive entre-temps, je te défendrai. Il arrive, donc Mador... C'est ce caractère assez ambigu où Bort est quand même en froid avec Guenièvre. Il a fait tout ce discours sur le fait que les femmes perdaient les grands hommes, etc. Mais ils ont quand même chevauché spontanément pour venir la défendre à la cour. Mais quand ils sont là, ils ont quand même envie de manifester leur mécontentement. Et puis... C'est ça un peu. Ils savent que Lancelot va arriver, mais c'est quand même un peu sadique pour Guenièvre. Et là, du coup, sur ces entrefaites, Mador de la Porte arrive le jour dit, donc le 40e jour, s'installe littéralement en armes au milieu de la grande salle de Camelot et va donc attendre l'arrivée d'un champion pour Guenièvre. Et en fait... ce n'est qu'assez tardivement à Tierce, donc ça doit être à peu près on doit être quand même dans le en plein milieu de l'après-midi que Lancelot arrive. Mador est formellement en train d'accuser Guenièvre. Lancelot n'est reconnu que par Bort et Hector parce qu'ils reconnaissent là, le bouclier qu'il porte. Les deux adversaires donc acceptent les termes du combat. Le combat s'engage. Clairement, Lancelot est évidemment à le dessus. Il pourrait tuer Mador, mais il demande à Mador s'il voudrait retirer son accusation pour qu'il le laisse en vie. Et là, curieusement, Mador, vu la haine qu'il développait contre Guenièvre, Mador accepte et reconnaît la courtoisie de Lancelot. Et ça va être un thème récurrent, Lancelot qui refuse de donner la mort à ses adversaires par noblesse. Et donc, ses adversaires qui sont là, oh, mais il est tellement chou. Il reconnaît la courtoisie de Lancelot, plus encore que ça, il reconnaît Lancelot à cause de sa courtoisie. Oui, c'est ça. Il se tourne vers le roi et il dit, sire, vous m'avez bien eu, vous m'avez cruellement trompé en envoyant Lancelot du lac pour me contrer, parce qu'il se battait incognito jusque-là. Et c'est parce qu'il lui fait cette offre si généreuse qu'il se dit, ah bah, ça peut être que Lancelot, et il devine que c'est lui immédiatement. Oui, il y a aussi cet aspect-là que Lancelot est caractéristiquement quelqu'un de beaucoup plus noble et disons, on va avoir plus facilement tendance à renoncer un duel ou un alors que, une mise à mort. Si on pense au roman qu'on a lu avant, c'est pas quelque chose d'étonnant. C'est déjà dans les maximes qu'on disait à Perceval, c'est si tu te bats et que ton adversaire veut plus battre ou que tu as le dessus, tu dois l'épargner. On parle plus là-dessus d'une caractérisation négative, je pense, de la cour d'Arthur et des chevaliers qui ne sont pas Lancelot, qui ne sont pas sa famille. Encore une fois, hein, le thème de l'opposition entre ces chevaliers continentaux plus nobles, plus courtois, qui ont intégré toutes les règles, alors que la cour d'Arthur, on se tue à qui mieux mieux, on a des coutumes barbares. C'est la fameuse opposition entre les chevaliers continentaux et puis les chevaliers analytiques qui... oui, qui écrivent leur code de chevalerie avec des symboles étranges et mathématiques. Et c'est le phallogocentrisme des chevaliers d'Arthur qui les mène à refuser de... Pour tout dame en détresse, il existe un champion qui... Non, tout à fait. Ceci étant dit, Guenièvre est sauvé, mais très temporairement, parce que la relation de Lancelot et Guenièvre reprend, et immédiatement tout le monde s'en rend compte. Genre, même Gauvin, même Gaëriette, tous les frères de Gauvin, tout le monde à peu près sauf Arthur en fait, se rend immédiatement compte qu'ils sont dans une relation. On ne dit pas exactement comment, mais apparemment ça transparaît assez clairement. Les cinq frères, donc Gauvin et ses quatre frères, donc Agravin, Gaëriette, Guéret et Mordred sont dans une pièce en train d'en discuter. Le roi Arthur est là, mais de quoi vous parlez? Et ils sont là, de rien. Et puis vous voulez pas le savoir, et puis c'est pas important. Puis finalement, Arthur utilise son privilège royal pour les forcer à lui dire de quoi il s'agit. Gauvin et Guéret refusent même. Ils quittent la pièce et ils lui disent non. Et c'est assez violent. Genre, Gauvin désobéit directement parce qu'il veut pas que Arthur la prenne. Et finalement, c'est ceux qui restent, Agravin, Mordred et Guéret, qui révèlent à Arthur que Lancelot le trompe. Arthur est plus ou moins furieux de ça, et il apprend encore que c'est vraiment il y a un clou qui est enfoncé là et qui rejoint peut-être le côté de ah, ce Lancelot si parfait qui réussit tout, puis une part de la jalousie qu'on avait pu voir se mettre en scène dans le Lancelot. Il y a des passages où on nous dit littéralement que les chevaliers sont presque jaloux de Lancelot à le voir tout le temps être meilleur que tout le monde. Et là, Arthur apprend la nouvelle que Lancelot a remporté le tournoi de Caraès, et il est encore plus lugubre. Il se dit qu'il préfère voir Lancelot mourir plutôt que de ne pas se venger, alors que jusque-là ils étaient quand même assez proches et ils s'aimaient beaucoup. Et donc il se résout à se venger. Agravin veut tendre un piège à Lancelot, le roi est d'accord, alors que Gauvin et Guéret ne veulent pas vraiment en avoir part. Lancelot est mal accueilli par le roi quand il revient à Camelot. Il annonce son intention d'aller à la chasse, puis Lancelot lui dit je peux venir avec vous, sire. Et puis le roi lui dit non, ce sera pas nécessaire, vous avez pas besoin, j'ai déjà tout ce qu'il me faut en termes de bons chevaliers fidèles et nobles, etc. Et Lancelot et Bort se rendent compte que quelqu'un a dû les dénoncer, soit Agravin qui avait dû s'en rendre compte, soit Morgane. Ils ont entièrement raison, les deux l'ont fait. Et le lendemain, dès que le roi part à la chasse, la reine envoie un messager à Lancelot pour lui dire de se rendre auprès d'elle, et quand ils sont en train de fricoter... Oui, c'est ça, ils sont parfaitement au courant qu'ils ont été dénoncés, mais... non, aucun risque. Et bah, ils sont assaillis dans la chambre, ils ferment bien la porte, ils essaient de défoncer la porte, mais Lancelot a pris le temps de se défendre, même s'il n'a pas son armure avec lui, donc il arrive quand même... Il est à demi préparé, en fait, il se doute que quelque chose pourrait lui arriver, mais il n'a pas pris son armure, il n'a pas pris ses armes. Donc, si je ne me trompe pas, dans le déroulement, il y en a un qui arrive à entrer dans la pièce, Lancelot le tue, puis il peut ensuite le tirer à l'intérieur et prendre son armure, et puis ensuite les affronter avec succès. Il arrive à s'échapper, et il raconte tout à Bort, et il dit maintenant, le roi sera leur ennemi mortel maintenant. Et ils vont donc se réfugier dans la forêt, se tenir en embuscade, en attendant que Guenièvre soit jugé, parce qu'ils se rendent compte que là, il y a eu un flagrant délit où Lancelot était tout nu dans la chambre de Guenièvre, et il y a des témoins oculaires qui l'ont vu. Bon, on peut difficilement éviter le procès. Et Lancelot envoie un espion pour essayer d'apprendre des nouvelles de la reine. Ce qui amène la scène centrale du roman, c'est la rescousse de Guenièvre par Lancelot et ses frères. Donc ils ont quand même beaucoup de chevaliers, ils sont dans la forêt. Et Arthur, pareil, se rend compte que Lancelot va tenter un coup de force de ce genre-là. Donc on met en place une certaine défense pour éviter ça. Mais ça va pas forcément suffire. Il faut préciser que Arthur va quand même demander conseil à ses barons sur la conduite à tenir. Et que... certains vont être plus modérés que d'autres, mais c'est vraiment Agravin et Mordred qui vont pousser le roi à faire tuer Guenièvre, en fait. Et à ordonner... c'est Arthur, finalement, qui va ordonner que Guenièvre soit mise sur un bûcher. Ouais. Et d'ailleurs, qu'il devrait... il ajoute aussi que Agravin doit préparer une garde pour empêcher, justement, Lancelot et ses hommes d'interrompre l'exécution et de sauver Guenièvre, en fait. Ils sont donc il y a 32 assaillants contre 80 chevaliers, 80 chevaliers qui escortaient Guenièvre. Et parmi les donc bon, il y a une énorme mêlée et beaucoup de gens qui vont mourir. Il faut préciser que Agravain, avant que la mêlée, le combat s'engage, demande même à ce que son frère Gaëriette participe aussi à la garde de Guenièvre, peut-être parce qu'il a une dent contre Gaëriette. Gaëriette est dit comme étant le préféré de Gauvain, le plus noble après Gauvain. Donc il y a peut-être une espèce d'ambition interne. Et puis aussi, ça participe en fait, je pense, à la tragédie, c'est que Gaëriette n'était pas du tout pour comme Gauvain avait refusé de participer au complot pour perdre Lancelot et Guenièvre. Oui, en fait. Gauvain et Gaëriette sont un peu les cautions nobles de la famille. C'est les cautions nobles. Mais le fait que Gaëriette va être là et le fait que Gaëriette va mourir va faire, si on veut, pencher Gauvain dans la rage la plus totale et va lui faire oublier, disons, son affection précédente pour Lancelot. C'est-à-dire le fait que même Gaëriette, qui n'était pas cet élément mauvais et qui n'était pas la cause de tous ces problèmes, se fasse tuer dans tragédie, la mêlée, ouais. Va faire pencher Gauvain et Arthur du côté de la vengeance. Oui, parce que Lancelot et ses compagnons vont donc assaillir l'escorte de Guenièvre. Lancelot va tuer notamment Agravain, ça évidemment, mais aussi du coup, sans le reconnaître parce qu'il porte son casque, Gaëriette. Bort va aussi tuer Gaëriette. Et du coup, des seuls trois, donc, dont Mordred, vont échapper de l'embuscade des hommes de Lancelot. Et une fois seulement le combat terminé, Lancelot va se rendre compte qu'il a tué Gaëriette, ce dont il est effectivement extrêmement triste, parce qu'il aimait beaucoup Gaëriette aussi. Il se demande d'ailleurs justement ce qui s'est devenu, ce qui sont devenus les frères de Gauvain. Il dit ils ont perdu trois chevaliers en fait, et il se demande qui c'est qu'ils a tué. Puis Hector dit: je n'ai vu mourir trois de la main de Gaëriette. Puis c'est justement pour ça que Lancelot l'avait tué à la base, parce qu'il voyait un chevalier extrêmement bon qui faisait des dommages dans leur camp, et il s'est dit: il faut que je mette fin à sa vie à lui. Et c'était Gaëriette. Mais justement Lancelot demande: comment Gaëriette était à ce combat? Eh ben, que demandez-vous, dit Bort? Vous-même, vous l'avez tué. Et Hector surenchérit: au nom de Dieu, vous l'avez tué. Et Lancelot se rend compte: maintenant, nous pouvons bien dire en toute vérité que jamais nous ne nous réconcilierons avec le roi, ni avec son neveu, Monseigneur Gauvain, à cause de la mort de son frère Gaëriette. J'en suis profondément attristé, car désormais va commencer la guerre qui ne prendra jamais fin de notre vivant. Donc il y a cette idée qu'il se rend compte qu'il a fait quelque chose d'irréparable, malgré lui, mais qu'il ne peut pas altérer maintenant. Guenièvre et Lancelot et toute cette compagnie se réfugient au château de la Joyeuse Garde, qui avait été conquis par Lancelot dans sa jeunesse. C'était là qu'il avait découvert son nom, c'est là qu'il y a la tombe de Galeot, c'est là que Lancelot sera enterré parce que sa tombe est déjà prévue là, et c'est d'ailleurs par cette tombe qu'il a appris son nom. Arthur veut les poursuivre, mais le roi Caradoc lui conseille plutôt de faire surveiller les ports du royaume pour éviter qu'il quitte le royaume de l'Ogre. Et il y a ensuite des scènes assez poignantes où tout le monde se lamente sur le corps des trois frères de Gauvain qui sont décédés, justement. Gaëriette, Arthur se lamente sur le corps de Gaëriette en pleurant. Gauvain approche du lieu du carnage et il entend les cris de douleur et il pense que c'est parce que la reine est morte, parce qu'il n'a pas encore compris qu'il y avait eu tout ce remue-ménage. Et donc, il commence à se dire que ça va être la reine qui est morte. Et sur le chemin, il y a tout le monde qui lui dit: ah, vous êtes bien malheureux, ah, vous êtes bien triste. Et il ne comprend pas pourquoi. Pourquoi est-ce que les gens ont des manifestations de deuil pour lui, comme si lui devait être triste de quelque chose. Et il apprend la mort de Gaëriette avec un énorme chagrin. Il voit les corps de Gaëriette et d'Agravain aussi, et il s'évanouit. Et les trois neveux d'Arthur sont ensevelis dans l'église Saint-Étienne, pendant que Gauvain est inconscient. Puis ils se disent d'ailleurs: il ne faut pas qu'on le laisse dans la chambre avec les corps, parce que sinon il va de nouveau s'évanouir. Et l'épitaphe de Gaëriette déclare qu'il est mort de la main de Lancelot, donc ils sont enterrés comme ça. Arthur se lamente et fait le vœu de mettre fin à la vie de Lancelot. Il y a certains de ses barons, enfin il demande conseil à ses barons, certains barons déconseillent d'aller à la guerre, mais nombreux sont pour, notamment Mordred, qui accuse le royon, qui disait que c'était pas... la parenté du roi Ban, ils sont quand même exceptionnellement forts, faudrait peut-être pas se battre contre eux. Puis Mordred pousse quand même la guerre. Mador de la Porte, bon, qui commence à avoir une certaine importance, affirme que Lancelot s'est réfugié avec Guenièvre au château de la Joyeuse Garde, et Arthur annonce que ça va être la guerre et qu'ils vont aller assiéger ce château. Lancelot envoie des messagers en Gaule pour leur dire de se fortifier leur château en prévision de la guerre qui s'annonce. Et beaucoup de gens des royaumes de Sorelois et de la Terre Foraine rejoignent Lancelot à la Joyeuse Garde, qui est donc en Grande-Bretagne. C'est un peu un pied à terre de Lancelot en Grande-Bretagne. Des gens le rejoignent en très grand nombre. Donc il a quand même cette espèce de magnétisme qui fait qu'il arrive à fédérer quand même beaucoup de gens indépendamment d'Arthur. Qui sont attirés par sa cause et sa noblesse et sa renommée simplement aussi. Donc, ils essayent, les attaquants assiègent le château, les assiégés font une sortie pour se battre contre eux. Lancelot envoie une messagère, pour proposer à Gauvain un arrangement. En fait, il propose il essaie de chercher un accord, il propose de partir pénitent pendant un certain nombre d'années et de ne revenir à la cour qu'après cela, que de plus tenir de position, de plus jamais voir Guenièvre, etc. Mais on refuse complètement ces propositions. La guerre éclate le lendemain, avec une embuscade de Lancelot. Il y avait des chevaliers en embuscade un peu plus loin qui attaquent le camp. La guerre dure jusqu'à la nuit avec énormément de pertes. Le jour suivant, la bataille continue. Lancelot et Arthur s'affrontent, donc ils se rencontrent dans le champ de bataille. Et Lancelot a la possibilité de tuer Arthur, mais il lui épargne la vie et le laisse remonter en selle. Alors que Hector l'incite à couper la tête parce qu'il dit « Mais tranchez-lui la tête et puis la guerre sera finie. » Mais Lancelot ne peut pas se résoudre à le faire. Le siège dure 2 mois. Jusqu'à ce que le pape intervienne, donc c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans l'épisode de la fausse Guenièvre, hein. Le pape dit à Arthur que il doit récupérer sa femme et il peut pas juste faire la guerre comme ça. Et il menace d'ailleurs à Arthur d'interdit, en fait. C'est un phénomène qui est récurrent au début du XIIIe siècle. Il y a plusieurs rois, dont notamment Jean Santerre, qui sont frappés d'interdit, c'est-à-dire que les sacrements peuvent pas être donnés sur leur territoire. Donc, ce qui est un gros problème quand tu es un roi catholique. Et c'est là, pour le coup, le reflet d'un fait réel. Philippe Auguste aussi avait été, je crois, frappé d'interdit, notamment. C'est un phénomène bien réel qui a des conséquences assez dramatiques pour la spiritualité d'un royaume entier. Du coup, la menace du roi est peut-être plus... la menace contre le roi est quand même assez forte, là, il faut bien le dire. On est vraiment passé le point milieu du roman, donc là, c'est là que la guerre finale a été déclenchée par Arthur contre Lancelot, donc on entre vraiment dans cette partie finale de la mort d'Arthur. Le texte commence à devenir un peu plus prophétique, il y a des passages où on nous dit « C'est ainsi qu'on entreprit la guerre qui par la suite tourna mal et devint une terrible catastrophe pour le lignage du roi Arthur, parce qu'il va basiquement se finir. » Et il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est lors de la déclaration de guerre, Arthur dit « Cette perte, donc ses neveux, m'échut exactement comme vous pouvez le constater, non par la justice de notre Seigneur, mais par le grand orgueil de Lancelot du Lac. En effet, cette douloureuse perte était due à la vengeance divine, notre dignité serait alors quelque peu préservée, et pour cette raison, nous devrions la supporter sans trop de peine. » Mais, en l'occurrence, c'est pas le cas. « Mais elle est due à celui que nous avons élevé et rendu prospère en l'accueillant dans notre pays à maintes reprises, honoré comme s'il avait été de notre sang. » Là, il y a un sous-texte que je trouve quand même très... peut-être pas xénophobe, mais il y a cette idée que Lancelot, c'est quand même un étranger à la cour d'Arthur, qu'on l'a adulé, aidé, favorisé, etc. Et puis que là, il nous trahit et il nous poignarde dans le dos. Mais vous, par contre, vous m'avez joué fidélité, donc on va se battre contre lui. Les tentatives de conciliation n'ont pas trop marché. On souligne aussi justement que Lancelot aime le roi. Il voulait faire la paix avec le roi Arthur, mais... il aimait le roi trop ardemment, il n'aurait pas voulu être en colère contre lui. Et il dit, justement, quand il parle de leur plan pour la guerre, il dit « Je n'en épargnerai aucun à la seule exception de la personne du roi Arthur, car lui, vraiment, je ne lui ferai ni de tort ni de mal en aucune manière, pour peu que je sache véritablement que c'est lui. » Et il tient effectivement parole, alors qu'il a l'occasion de tuer Arthur, il ne le fait pas. L'occasion de mettre fin à la guerre est donc apportée par le pape, qui donc veut la réconciliation, et ils n'ont pas tellement le choix, hein. Ils vont être obligés d'accéder à cette demande. C'est un archevêque, donc l'archevêque de Rochester qui va, ou l'évêque de Rochester, ou de Rochester, qui va accepter donc de servir d'intermédiaire. Lancelot et Guenièvre décident que la meilleure solution pour éviter d'autres morts, pour éviter d'autres morts inutiles, pour éviter que Lancelot ait à tuer de ses compagnons et pour éviter d'autres dommages, vu que sous le pape, le roi a promis. Et il devra tenir parole qu'il ne pourra pas traiter Guenièvre différemment dorénavant, qu'il l'aimerait comme il ne l'a jamais aimé. Et elle accepte donc de retourner, malgré les avis défavorables des cousins et du frère de Lancelot. Ils vont donc s'échanger leurs anneaux à nouveau. Ils s'étaient déjà échangé des anneaux. On s'en souvient, ça avait mené à des confusions dans le Lancelot avec le faux anneau qu'avait reçu Lancelot. C'est-à-dire que ça pourrait être un signe que, c'est-à-dire que ça pourrait être un signe qu'ils échangent des anneaux, donc que c'est toujours un lien d'une certaine manière qui est préservé entre eux, mais en même temps, peut-être que c'est juste qu'ils se rendent les anneaux qui s'étaient donnés avant et donc justement qu'ils mettent fin à cet échange. Oui, symboliquement, c'est dans certains, ça dépend des contextes, ça dépend des manuscrits, mais dans la plupart des manuscrits, c'est leur dernière rencontre en fait, simplement. Mm. C'est la dernière fois qu'ils se voient. Donc ils vont rééchanger leurs anneaux, elle va retourner avec le roi à Camelot et il y aura une grande joie dans les rangs d'Arthur, ce qui est rigolo parce qu'on s'imagine bien qu'elle ne va pas être forcément super contente. Et en échange donc de ce retour, Lancelot peut rentrer, peut quitter la Joyeuse Garde, mais doit quitter le royaume de l'Ogre définitivement et rentrer donc dans son pays. Mais il fait déposer préalablement son écu avec un don en argent donc assez large à l'église principale de Camelot puisque c'est là qu'il a été adoubé. On a souvenir de son adoubement. Donc il garde un lien quelque part un peu symbolique avec Camelot. Il y a des passages qui sont quand même assez poignants. C'est déjà Lancelot et Guenièvre qui discutent justement de leurs options et Lancelot dit si c'était moi qui déciderais vous resteriez avec moi mais le mieux c'est peut-être justement qu'on se sépare. Il y a un passage que je trouve extrêmement une espèce de duplicité assez affreuse qui est que quand Lancelot rend la reine, il dit « Sire, voici madame la reine que je vous rends. Elle serait morte depuis longtemps par la déloyauté de ceux de votre cour si je ne m'étais pas aventuré à la secourir. Je ne l'ai pas fait en considération d'une faveur quelconque qu'elle m'aurait jamais faite, mais parce que je reconnaissais en elle la dame la plus honorable du monde. Par conséquent, ça aurait été une perte catastrophique si les gens déloyaux de votre cour, qui l'avaient condamnée à mort, avaient fait d'elle ce qu'ils souhaitaient. Aussi valait-il mieux que Dieu me vienne en aide, qu'ils en meurent victimes de leur déloyauté, plutôt qu'elle ait été tuée dans cette affaire. » C'est quand même assez glauque de présenter ça comme ça, dans la mesure où c'est Lancelot qui les a basiquement tués, lui et son clan, qui ont tué ceux qui les avaient surpris en flagrant délit. Genre, il passe complètement sous le tapis le fait qu'il était coupable, et... Même Arthur se fait dire « Ah, mais si Lancelot aimait vraiment la reine, il la rendrait pas si facilement. » Arthur a l'air de se faire prendre, il est de nouveau en train de douter. Et Lancelot, malgré toute sa vertu, il y a quand même une duplicité qui est assez affreuse où il n'est pas en train de se confesser, de faire pénitence ou quoi que ce soit. Ce qui est un peu ce que je disais avant, ce qu'on voyait dans le Chevalier de la Charrette ou le Lancelot. Il y a Méléagan qui accusait que de coucher avec la reine. Et puis il y a Lancelot qui disait « C'est parfaitement faux, il n'a absolument pas couché avec la reine. » Mais en même temps, c'était lui qui avait couché avec la reine et donc le crime était quand même là. Et là, on a un peu la même chose où Lancelot dit « Bah finalement, tous les témoins du flagrant délit sont morts. C'est quand même bien pratique. » Et puis... Il y a peut-être un côté que finalement, pour Lancelot, son amour avec la reine est si noble que ça ne peut pas être un crime, d'une certaine façon. C'est un peu la permanence de l'objet n'existe pas. Vous ne pouvez pas le voir, ça ne se passe pas. Non, mais c'est assez intéressant. Je dis que c'est de la duplicité, mais je pense que ça rend ça très intéressant, en fait, en termes de portrait psychologique. Et justement, il laisse son écu à l'église de Camelot, et puis ensuite, sur le bateau qu'il amène en Gaule, il fait ses adieux à la terre de l'ogre. Et c'est quand même assez, assez intéressant de voir ce qu'il abandonne en fait. Bon, par contre, Bort et Lionel sont couronnés en Gaule. Lancelot se dit bon, ça suffit de faire les électrons libres, on va se fixer là-bas. Il rentre et il donne d'ailleurs son propre royaume hein, de Benoïc à Bort, alors que Lionel reprend le royaume de Gaune. Et il semble, donc l'indication semble être que même si ces royaumes sont pas forcément entièrement, ne recouvrent pas entièrement la Gaule, puisque cette Gaule appartient de fait à Arthur. Lancelot garde une espèce de souveraineté sur les deux, même si officiellement il est, il n'est pas roi, quoi. Il est juste Lancelot, quoi. Il est chef de la famille, chef de la dynastie, mais il a pas un rôle effectif. Il semble pas vouloir non plus beaucoup d'attaches physiques lui-même. Mais tout ça va servir finalement entre guillemets à rien puisque Gauvain, qui a l'oreille d'Arthur, va continuer à pousser pour un combat parce qu'il veut tuer Lancelot qui a tué ses frères, même si la résolution pour lui, la résolution d'Arthur qui retrouve Guenièvre, c'est bien gentil, mais ça ne résout pas le problème principal qui était le fait que Arthur ait perdu non pas seulement sa femme, mais ses trois neveux. Il va donc se voir promettre par Arthur de recommencer la guerre, mais après Pâques. Et au moment où il se prépare à partir, il décide donc de confier la reine et le trésor de Camelot à quelqu'un qui soit digne de confiance et qui se propose, mais Mordred, qui va donc demander à ce qu'on le fasse, du coup, régent dans l'intervalle. Et ce qu'il va le faire, il va leur faire prêter un serment sur les reliques comme quoi à ses vassaux, donc comme quoi ils devront prêter assistance et considérer Mordred comme leur souverain légitime quand il n'est pas là. Arthur se rend donc avec tous ses hommes près de Gaune, ils vont assiéger le royaume de Lancelot, d'Hector et des cousins, de leurs cousins Bort et Lionel, mais il va rencontrer sur le chemin, une vieille dame qui sort de l'endroit où se trouve, de la ville où se trouvent Lancelot et ses hommes, qui va lui dire que son, non seulement son entreprise est vouée à l'échec, mais qu'en plus Gauvin va mourir avant, avant que la guerre soit finie, avant de revoir le royaume de l'ogre. Et ils vont commencer un siège, de nouveau, hein, perdre de deux côtés, mais les assiégés qui ont la bravoure pour eux et les meilleurs chevaliers en la personne de Lancelot Bord, Lionel Ego et Hector Desmar vont quand même avoir le dessus. Pendant ce temps, Mordred, lui, va s'attirer par des fêtes somptueuses et des dépenses, des cadeaux illimités, s'attirer la bienveillance de tous les hommes et les seigneurs d'Arthur. Et tombant amoureux de Guenièvre, pour une raison un peu obscure, on dit vraiment il passe son temps avec Guenièvre, donc il tombe amoureux d'elle, il a l'idée de faire fabriquer une lettre qui va prétendre être de la main d'Arthur. Bonjour, je suis mourant. Je suis en Gaule, je suis mourant, je ne reviendrai pas. Nommez Mordred roi, faites-lui épouser ma femme. Et voilà, ce sera lui votre souverain. Du coup, toute la ville de Londres est en deuil. C'est marrant parce que c'est là que Londres intervient vraiment. On n'est plus à Camelot, on est vraiment à Londres. Mordred est à Londres, il règne depuis Londres. Tout le monde est très triste et les barons vont convoquer Guenièvre pour lui dire « Bah voilà, le roi Arthur veut que tu épouses Mordred maintenant. » Guenièvre est pas super chaude à l'idée, du coup elle va se réfugier avec des hommes de sa famille dans la tour de Londres après un délai de 8 jours. Avec son cousin Labor, elle va se réfugier dans la tour de Londres et Mordred va être obligé de mener un siège à la tour de Londres. Et alors que Guenièvre va décider de se dire, mais quand même c'est un peu suspect cette histoire, elle envoie un messager pour annoncer la situation à Arthur s'il est encore en vie. Du coup, si Arthur n'est pas en vie, évidemment, le messager a ordre d'aller voir Lancelot parce qu'elle perd pas le nord. Dès qu'il arrive en Gaule, le messager apprend bien évidemment qu'Arthur est toujours vivant, qu'il est en train d'assiéger Gaune, donc c'est pas comme s'il était très très loin. Ce qui est assez rigolo, hein, c'est que Mordred ne va jamais mettre la main sur Guenièvre et que pour le coup, Guenièvre est présenté comme une victime pure et simple de l'affaire. Sa traîtrise a lieu, mais avec Lancelot, donc elle est déjà assez traître comme ça, et le récit ne va pas lui attribuer la fourberie qu'elle a chez Geoffrey de Monmouth, où elle est littéralement traîtresse, et elle va donc quitter Arthur pour Mordred. Là, non, vraiment pas. D'ailleurs, Mordred va pas lui... Je crois même pas que Mordred va réussir à lui mettre la main dessus, et il va continuer à l'assiéger, mais ça ne va rien donner. Et donc, pendant ce temps, le siège continue, et va aboutir à l'issue qu'on attend tous, le combat entre Gauvin et Lancelot. Lancelot n'a pas d'autre issue, donc il accepte, à condition qu'on respecte les garanties, qui est justement, si je gagne, vous devez vous retirer, puis nous laisser nos terres, et puis ne plus nous faire la guerre. Et Lancelot avoue que même s'il gagne le combat, il va pas réussir à se résoudre à tuer Gauvin. On lui dit d'ailleurs que Gauvin a 76 ans, si je ne dis pas d'ânerie, et Arthur en a 96. Ouais, il est très âgé, Gauvin, donc c'est vraiment le duel d'un homme qui a 30 ans de moins que lui. C'est ce que nous dit le texte, hein. Il me semble plus ou moins exactement 30 ans de moins que lui. Donc Gauvin est censément le moins favori, mais il va quand même bénéficier d'un petit atout. Un petit atout mythe solaire. C'est-à-dire qu'on lui dit qu'il avait été baptisé à l'heure de midi, et donc qu'à chaque fois qu'il approche de l'heure de son baptême, il est doué d'une nouvelle vigueur, et puis alors que tout le monde est en train de s'épuiser parce que ça fait quelques heures qu'on se bat, lui, il a un avantage inéchappable parce qu'il est revigoré à ce moment-là. Avant que le duel puisse avoir lieu, Lancelot, qui veut vraiment pas faire courir de risque à Gauvin, fait une offre absolument sans précédent à son adversaire. Il va lui promettre, à lui et toute sa famille, sauf les deux rois, Lionel et Bord, de lui prêter hommage, en fait, de se mettre à son service littéralement pour rembourser la faute qu'était la mort d'Agravain, de Guéret et surtout de Gaëriette. Et il va même promettre, s'il le faut, de partir 10 ans en exil pour expier ça. Et Arthur et toute la cour d'Arthur pressent Gauvin d'accepter parce que c'est des termes, surtout de la part de Lancelot, qui est le meilleur chevalier de tous les temps, qui est sûr de gagner et tout, qu'il faut à tout prix accepter. Mais Gauvin reste inflexible Il veut à tout prix la mort de Lancelot pour la mort de Gaëriette surtout. Ce qui dure jusqu'à la fin du combat où justement il veut continuer à se battre malgré le fait que l'heure de vêpre soit passée. Ce qui veut dire traditionnellement que l'accusateur perd son procès. En fait, parce qu'il y a une limite de temps, on ne peut pas juste... voilà. Il réussit donc à se battre. Lancelot a bien sûr plus d'endurance, plus de vigueur parce qu'il est plus jeune. À midi, Gauvin parvient à mettre Lancelot plus en difficulté, mais de nouveau, au fur et à mesure que le soir approche, il va de nouveau commencer à perdre. Effectivement, à vêpre, Lancelot va lui offrir d'arrêter. Lui, il est à peine debout, il peut à peine tenir son épée, et à tel point que Lancelot, en fait, peut se permettre de se barrer et d'aller de bouger vers l'endroit où se trouve Arthur pour lui dire « Non, mais il peut plus se battre, laissez-moi partir de ce champ clos, il est passé vêpre. » L'accusateur, à partir de vêpre, n'a plus droit vraiment de continuer sa demande. Et Arthur effectivement lui accorde et il va quitter le champ clos et ils vont donc devoir s'arrêter là en fait finalement. La guerre va vraiment s'arrêter là. Le roi dit justement, en voyant que Gauvin est blessé à la tête, dit « Cher neveu, votre comportement outrancier et téméraire vous a tué et c'est une perte pour toute votre parenté car jamais ne sortira de notre lignage un aussi bon chevalier que vous l'avez été. » Et Gauvin arrive même pas à répondre parce qu'il a perdu tellement de sang qu'il est, il est complètement dans le cirage là. En fait, l'image de comme le dit le texte, Lancelot bouge vers l'endroit où se trouve Arthur. Donc on a vraiment l'image de Gauvin qui tire à peine debout, qui est en train de tituber avec son épée, qui peut pas répondre. Qui a 76 ans. 76 ans, le pauvre. Et alors Lancelot peut littéralement il pourrait le tuer d'un coup d'épée sur la tête quoi. Et ouais. Du coup Lancelot est tellement noble vraiment qu'il ne veut vraiment pas aller jusqu'à l'extrémité. Mais le médecin, heureusement, il y a un médecin sur place alors que Arthur va aller se reposer près de Meaux. Ouais, il va aller. Du coup, l'indication de Meaux semble être un indice pour Hult que de l'indication géographique de l'auteur ou en tout cas de la rédaction de ses textes. On est toujours dans la même zone, un peu à l'est de Paris. En tout cas, ils vont se reposer là-bas et un médecin va donner un pronostic favorable à la santé de Gauvin. Il dit s'il se repose, cette blessure ne devrait pas être trop grave, il devrait réussir à survivre. J'espère juste qu'il n'y a pas d'armée romaine intempestive qui viendra venger la mort de Frol Dalman. C'est là, donc interruption musique de Jojo. Il y a justement, ils sont en train de se reposer, en fait, tout le monde est arrêté en attendant que Gauvin se repose. Il y a l'empereur d'Allemagne qui vient venger la mort de. L'empereur de Rome, pardon, qui vient venger la mort de Frol Dalman. On dit qu'ils ont déjà ravagé toute la Bourgogne, donc ça donne aussi une autre indication. Oui, ils arrivent en droite ligne sur Meaux. Ils demandent du coup des comptes pour le meurtre de Frol et le paiement d'un tribut annuel de la part d'Arthur à Rome. Et alors cette histoire qui est vraiment tout le cœur de la dernière partie de l'histoire d'Arthur chez Was, chez Geoffrey, chez Larman, est ici en fait littéralement une note de bas de page. Oui. Pas littéralement, mais quasiment une note de bas de page, puisque... Les deux armées vont s'affronter, les Romains sont vraiment battus aisément, mais avec la plus grande facilité. Arthur tue l'empereur quasiment d'un coup, mais le problème c'est qu'en se battant, Gauvin a causé la réouverture de sa blessure à la tête, et il va commencer à mourir à petit feu. Et ça c'est intéressant aussi, parce que pour le coup, on a un chevalier qui va vraiment mourir, non pas sur le champ de bataille, comme il meurt traditionnellement chez Larman, chez Was, chez Geoffrey, il meurt en débarquant dans l'expédition qui va... du coup porter le retour d'Arthur à l'ogre et le combat contre Mandrake, il va mourir en débarquant. Là, il va vraiment mourir à petit feu. On voit son agonie sur plusieurs chapitres. Alors que chez Was, si je dis pas de bêtises, c'était un coup d'aviron d'un Saxon justement, donc c'était quand même une mort assez ironique, genre c'était pas une ironique, mort très noble. Mais c'était dans le combat au moins. C'était dans le combat. Alors que là, la blessure est clairement c'est divisé dans le temps. Et en fait et aussi il faut noter que Queux est mort, il s'est fait tuer par l'empereur. Oui, Queux en général a un très très petit rôle dans la mort le roi Arthur, en partie parce que ses rôles négatifs ou même de compagnons d'Arthur sont largement pris d'un côté par Gauvin qui est vraiment le seul, l'unique chevalier présenté à côté d'Arthur à part les rois et Mordred, puisque Agravain, Gaëriette sont morts. Il n'y a pas vraiment beaucoup de chevaliers du côté d'Arthur. Il y a Gyrflay un peu. Ah oui, d'ailleurs, on nous dit que Gyrflay, lui, se prend un coup d'épée sur la tête et en reste étourdi, sans blessure. C'est d'ailleurs un coup de l'empereur de Rome qui assomme à moitié Gyrflay. C'est assez drôle, Gyrflay. On dirait un peu un personnage qui a été rajouté après coup dans un film en post-production avec un écran vert mal fait et qui n'est pas éclairé de la même manière que les autres personnages. Oui, j'étais dans cette scène aussi. J'étais là. Non, il y a ce côté vraiment... Qui résume à la plupart des grands chevaliers d'Arthur, typiquement Bedivere a complètement disparu hein, dans le Lancelot Graal. C'est Gauvin qui est vraiment le seul unique qui est, que n'a pas, quasiment pas de rôle. Il se fait justement tuer un peu cérémonieusement. Alors que c'est, ouais, voilà, ses rôles négatifs ont été pris par Agravain largement. C'est Agravain qui a vraiment le rôle que pourrait avoir que autrement. Mais sinon, effectivement, les projecteurs, les grands chevaliers de la cour de la table ronde, c'est finalement ceux de la cour de Lancelot, c'est pas ceux de la cour d'Arthur. Et là, il y a un peu, la dernière action de la bataille, c'est qu'Arthur envoie basiquement le corps de l'empereur sur une civière et dit: vous vouliez un tribut, Rome, et bien c'est le seul tribut que je vais vous payer. Et les gens disent: on transmettra bien le message, et puis ils s'en vont. Et là, ils apprennent une autre mauvaise nouvelle, qui est la trahison de Mordred. Parce que le messager envoyé par Guenièvre vient de finir par les trouver. Arthur est évidemment très heureux, parce qu'il a gagné contre les Romains, et en plus, la guerre contre Lancelot est plus ou moins résolue. Mais le problème, c'est que maintenant, il y a encore plus d'emmerdes qui arrivent. Il se rappelle justement à Mordred: maintenant tu me fais comprendre que c'est toi le serpent que je vis autrefois sortir de mon ventre, celui qui brûlait ma terre et s'en prenait à moi. C'était un songe qu'il avait eu et qu'il avait d'ailleurs fait graver, je crois, dans l'église Saint-Étienne justement, de Camelot. Il avait fait graver, et Lancelot l'avait vu, et il avait dit à Guenièvre, mais il avait pas dit à Guenièvre que Mordred était le fils d'Arthur. Mais Guenièvre le sait quand même dans ce roman, on sait pas trop comment. Oui, l'a appris probablement par son mari, mais ou peut-être par Lancelot, mais enfin. En tout cas, quand il dit ça, plusieurs nobles sont stupéfaits parce qu'ils comprennent que Mordred était son fils. Le texte ne dit pas explicitement que Mordred est le fils d'Arthur et de sa sœur. On comprend logiquement que, puisque c'est normalement son neveu et qu'on c'est son père en fait qu'on ne connaît pas, et comme Arthur dit être son père, on comprend que c'est un fils incestueux si on met les pièces ensemble, mais il n'y a pas une seule réplique qui nous dit ça explicitement, en fait. Non, en fait, je pense que le texte part du principe que le Lancelot a été suffisamment clair là-dessus quand il expliquait que les origines, en fait, de Mordred. Après, il les expliquait pas très clairement non plus, mais c'était pas extrêmement clair, mais c'était quand même plus clair que là où c'est vraiment le roi Arthur a le rêve, puis là on dit: ah, il découvre qu'il était son fils. Ouais. Non, il y a cette idée, il y a cette prophétie, le serpent qui crache du feu, qui dévaste la terre, et plein de serpents qui en sortent. Enfin, plein de serpents qui bousillent. Arthur qui est représenté par un serpent ou un dragon, d'ailleurs, c'est assez étonnant. Bon, mais ça, c'était déjà le cas dans chez Geoffrey, non? Oui, finalement. Mais ça reste assez négatif que, enfin, qu'il soit représenté de la même manière que son fils qui va détruire le royaume, c'est pas terrible. Mais il n'y a aucun moment où, par exemple, Arthur dit: ah, j'aurais jamais dû coucher avec ma sœur, en fait. C'est ça le truc, c'est que la scène même de l'inceste n'est pas mentionnée avant qu'on la rétro-écrive dans la suite Vulgate, mais ça fait probablement écho justement à l'origine pécheresse de Mordred dicte un peu son caractère traître. D'ailleurs, un truc qui n'est pas vraiment exploité, c'est le fait que peut-être que Mordred est aussi, disons, chagriné par le fait qu'il a perdu 3 de ses frères et bientôt 4 avec la mort de Gauvin. Ça pourrait aussi être un élément qui entre en ligne de compte, parce que d'une certaine manière, une fois que Gauvin est mort, en fait, Mordred est effectivement l'héritier du royaume d'Arthur. Hein. Ce qui est marrant, c'est que c'est pas du tout exploité. Il aurait pu dire: je suis en fait le fils d'Arthur, mais du coup, il n'aurait pas pu marier Guenièvre. Ouais. C'est pour ça aussi que. Même en tant que son neveu, il a une prétention assez solide au trône. De toute façon, ouais. Mais. Une fois que Gauvin est décédé, en fait, il a plus qu'à tuer Arthur pour être légitime. Ouais, c'est ça qui est assez curieux, en fait. Je pense vraiment que le côté impulsif de Mordred est assez clair. Il est assez maléfique. On sait qu'il est maléfique depuis le fait qu'il tue immédiatement de colère l'ermite, le pauvre ermite qui lui a dit ça, qui lui a parlé de sa vraie vie. Enfin, qui lui a raconté sa vraie ascendance, mais il est vraiment impulsif, en fait, surtout au début dans l'affaire avec Guenièvre. Il va pousser Guenièvre à la mise à mort, et là, d'un coup, c'est vraiment... en fait, il est amoureux de Guenièvre. Donc, c'est moins le côté plan maléfique que conception organique. Il est un peu maléfique malgré lui, finalement. On sent qu'il a une nature maléfique, mais qui n'est pas celle d'un méchant qui a un grand plan de tous les temps. Quoi. Il répond plus aux circonstances qu'un plan global maléfique. Il n'a pas d'application du texte, par exemple, que c'est lui qui a poussé la découverte de l'inceste entre... C'est pas lui qui a poussé la découverte... Il n'y a pas la notion que c'est lui qui a poussé la découverte de l'adultère entre Guenièvre et Lancelot, par exemple, pour faire en sorte qu'il y ait un combat entre les deux et que du coup Lancelot parte le royaume, quitte le royaume et que Arthur parte après lui pour qu'il puisse avoir le pouvoir. C'est plus vraiment dans une... Il répond plus à l'opportunité ici qu'à un plan maléfique qu'il aurait conçu dès le début, quoi. Le plan maléfique, c'est quand il fait une fausse lettre pour dire qu'Arthur est mort et puis prendre sa place. Parce que comment est-ce qu'il espérait que ce plan allait tourner, en fait? Est-ce qu'il comptait sur le fait que Lancelot allait vraiment tuer tout le monde et Arthur? Parce que ça montre, en fait, que s'il partait du principe que Arthur allait mourir, en fait, c'est qu'il prenait pas en compte la générosité et la largesse de Lancelot dans son plan. Et en fait, c'est ça que je trouve intéressant. C'est qu'il partait du principe que personne allait revenir de Gaulle et puis que personne découvrirait la supercherie de la lettre. Alors que non, Lancelot allait jamais réussir à sciemment tuer Gauvin et Arthur, et ça, il le voit pas. Et bon, la nouvelle qu'Arthur va revenir se répand. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il ramène ses barons, il leur fait jurer même de venir à mon aide, même contre le roi Arthur, si jamais il arrivait que le hasard le ramena dans le pays. Donc il faut quand même questionner le jugement des lieutenants, parce que bon, on a le régent veut se défendre contre le type dont il doit être le régent. Non, le problème principal centré, c'est aussi une opposition, je pense, entre des chevaliers justement héroïques et nobles et continentaux, bien sûr, comme Lancelot, et des chevaliers bretons qui sont finalement facilement et qui ont... nobles bretons qui sont facilement corrompus parce et que... qui ont plus vraiment de nom aussi. L'idée que là, on a basiquement Massamorph, c'est plutôt ouais, il y a le roi de ouais, je crois qu'il y a Gornement de Gore qui est mentionné à un moment. Il y a deux, trois, personnages. Mais autrement, c'est à peu près tout. Ouais, il y a le sens que ces barons-là sont aisément convaincus par quelques piécettes et quelques avantages que le roi Arthur ne les aurait pas forcément accordés aussi facilement. C'est des barons de seconde classe parce qu'Arthur a pris les meilleurs avec lui, en fait. C'est aussi ça. Et donc, Guenièvre, pendant ce temps, se dit, de manière assez déprimante, elle dit qu'elle ne peut pas échapper à la mort. C'est-à-dire que peu importe si c'est Mordred qui gagne ou c'est Arthur qui gagne, ils vont me mettre à mort après pour mes transgressions. Parce que, ah oui, elle pense qu'Arthur va penser qu'elle l'a trahi pour Mordred, ce qui est, ouais, disons, on pourrait penser qu'elle est vraiment qu'elle pêche là en n'ayant pas confiance en son mari, mais vu le trauma qu'elle a subi jusque-là, je pense qu'elle pêche uniquement par excès de prudence. Hein. Elle avait aussi été aidée, elle est en compagnie, elle pleure auprès de son cousin, Labor. Oui, Labor qui l'a protégé dans la tour de Londres. Tour. Labor, je trouve ça assez marrant qu'elle... Oui, c'est la défense, c'est évidemment le biais travailliste de l'auteur de La mort, le roi Arthur, et donc, se montre là. Au cas où elle décide de se réfugier dans une abbaye, comme l'avait fait sa mère, la reine de Tamelide, ou Tarmelide d'Escamerlinde, généralement on dirait Carmelide, enfin moi j'aurais l'habitude de Camelot, mais on trouve de multiples noms pour cette terre fictive, dont Tamelide en l'occurrence, et elle va aller se faire là-bas, et puis les jeunes filles qui sont avec elle vont l'accompagner pour prendre le voile. Suit ensuite la mort de Gauvin, justement, qui se lamente et qui il dit à Arthur, si vous pouvez éviter d'affronter Mordred, faire-le, car si vous le faites, vous allez en mourir. Quant à Madame la Reine, que je verrai plus jamais, saluez-la de ma part comme la dame la plus digne et la plus courtoise que j'ai jamais vue. Donc Gauvin se repent complètement face à la mort. Hein. Il a plus aucun grief pour Guenièvre, il a plus aucune animosité contre Lancelot. Si quelqu'un revoit Lancelot, dites-lui que je salue plus que tous les hommes que j'ai jamais connus. J'implore son pardon. Il implore le pardon de Dieu aussi. Et il dit qu'il a péché. Et juste avant de mourir, la dernière chose qu'on entend dire, c'est « Jésus-Christ, ne me juge pas selon mes faits, ne me juge pas selon mes actes ». Donc vraiment une repentance extrême face à la mort par rapport à tous les péchés qu'il a commis. Et on le met dans la tombe de Gaëriette et on dit « ici repose Gauvin et Gaëriette que Lancelot tua, mais ce fut à cause de sa propre démesure que Gauvin fut mis à mort ». Donc les deux ont été tués par Lancelot, mais Gauvin, on serait probablement pas mort sans ça. C'est vraiment, je trouve que c'est ça qui, plus que tout le reste de la mort, c'est assez clair, hein, le texte est assez clair en général, mais là, c'est vraiment là que tu vois que le personnage que tu es censé émuler, que tu es censé voir comme le héros, le principal, c'est pas Gauvin, c'est Lancelot. C'est Lancelot qui est dans son bon droit, même quand il trompe son roi, avec, même s'il commet l'adultère en détournant la femme du roi du droit chemin. C'est vraiment là qu'est notre héros, notre cœur moral. Gauvin se repent à l'article de la mort, il admet que Lancelot avait raison, basiquement. Donc c'est vraiment assez intéressant, là. Ouais. On a vraiment prise de contrôle, si on veut, du narratif arthurien par Lancelot est totale. Et Arthur a ici un avertissement de plus, donc il y avait une vieille dame qui l'avait averti, maintenant Gauvin meurt et Gauvin lui dit de renoncer à l'affrontement ou de demander l'aide à Lancelot, de ne pas affronter Mordred seul, ce qui va être un thème qui va revenir d'ailleurs. Le cortège funéraire de Gauvin va l'amener à Camelot. Sur le chemin, en conduisant le corps, ils arrivent au château de Belloé, où il y avait un seigneur très cruel qui n'avait jamais aimé Monseigneur Gauvin et qui le détestait par jalousie, parce qu'il voyait que Gauvin était meilleur que lui, en fait. Et sa femme est amoureuse de Gauvin, en fait, et elle se lamente sur son corps quand elle le voit, parce que c'est l'homme qu'elle a le plus aimé au monde. Et quand il voit ça, le seigneur de Belloé prend son épée et tue sa femme. Et là, il y a un des chevaliers qui est présent qui voit ça et qui tue le seigneur de Belloé immédiatement, en rétribution. C'est... Justement, il dit « Seigneur, vous nous avez accablés d'opprobre, vous qui venez de tuer cette dame sous nos yeux et pour rien. » Et donc, il le tue. Et la dame de Belloé est enterrée auprès de Gauvin en disant justement qu'elle a été tuée par son mari pour son amour de Gauvin. Donc, on a une espèce de micro-tragédie supplémentaire après la mort de Gauvin qui montre justement une vendetta supplémentaire. Et là, d'un seul coup, il y a un chevalier qui dit « Ah, ils ont eu l'audace de tuer mon seigneur !» Et puis du coup, il soulève toute la ville contre... Enfin bref, il y a une... cet épisode-là est quand même assez curieux. Hein, oui. Il n'y a pas assez de morts jusque-là. Tout ça, donc, Gauvin est enterré à Camelot avec la dame de Belloé dans une tombe voisine. Donc, c'est vraiment aussi l'implication que Gauvin et Lancelot, maintenant, sont un peu sur un plan d'égalité. Deux femmes sont mortes pour l'amour d'eux. J'ai vu un parallèle avec la dame d'Escalotte, moi, mais c'est à peu près tout ce que j'ai lu dans cet épisode-là. Ouais. Il y a clairement un parallèle avec ça. Même si chez Gauvin, c'est post-mortem. Là, on arrive à un avertissement supplémentaire qui est finalement très, je vais pas dire moderne, mais qui, en fait, se trouve narrativement, est quand même assez naturel. Arthur va se coucher et il rêve de Gauvin, maintenant qu'il est mort, et Gauvin lui enjoint de nouveau en rêve de ne pas affronter Mordred, parce que sinon, il y perdra la vie. Et Arthur refuse d'écouter ça. Et il a un second rêve où il y a une dame qui l'emmène au sommet du monde, où il voit le monde, toute la circuit du monde, ce qui laisse entendre qu'il est rond. Et il voit la roue de la fortune qui va s'effondrer. Et il refuse, en fait, de voir ses signes. Sur ces entrefaites, il va se rendre sur la plaine de Salzbière, la Salzbière, donc Salisbury, où se trouve maintenant plus célèbrement, on a le Stonehenge, et il voit une pierre inscrite par Merlin qui dit que c'est là que se déroulera la bataille funeste où la terre de l'ogre perdra son souverain. Donc là, il commence un peu à avoir des coups de sueur dans le dos. Il manque juste des panneaux, il manque juste une trace à la craie par terre qui indique là où son corps se trouvera quand il se sera fait tuer. Mais il a vraiment tout eu, quoi. Le rêve où la roue de la fortune s'effondre et il tombe à terre brisé. Les avertissements fus de Gauvin. On avait déjà ça dans le Perceval en prose. On avait ce rêve bizarre où il était dans un hall et il voyait, je crois, Mordred abattre les piliers ou non, Guenièvre tirer le toit sur lui. Et après, il coupait Guenièvre en morceaux ou je sais plus quoi. Il avait déjà une vision, mais qui était encore dans cette idée que Guenièvre le trahissait. Là, on a cette idée de la roue de la fortune, par contre, qui est une espèce de fatalité, mais où il rêve pas forcément du coup. Là, Mordred, qui ne manque pas d'audace, va lui envoyer un messager pour lui dire non, vous barrez maintenant, c'est moi le roi. Qui, bien sûr, n'a pas une réponse très positive de la part d'Arthur. La bataille va donc s'engager. Et le problème, c'est que du côté de Mordred, qui n'est pas super sûr de sa force, bah, il a engagé les Saxons. C'est la première intervention, la seule intervention des Saxons dans le récit. Là, pour le coup, c'est vraiment des chevaliers de Saxe. On n'est pas face à la peuplade barbare qui vient de Germanie. Non, on a vraiment des chevaliers de Saxe, tout simplement, qui sont là. Je vais vous épargner le détail de la bataille, même si c'est important peut-être de préciser que pour le coup, elle n'est pas du tout éludée ou raccourcie. Non, il y a vraiment l'ordre de bataille est détaillé, les corps de bataille. Ce qui est d'ailleurs le cas dans tous les sièges aussi qui ont lieu jusque-là. Hein. On nous explique bien quels corps de bataille sont dirigés par qui, dans quel ordre ils s'engagent, qui tue qui. Je dirais que dans les personnages qui restent encore, il y a Yvain, le Royon, Caradoc, le roi Caradoc, Girflay qu'on a déjà vu. Sagrémor l'emporté, dans ceux qui sont connus, mais on a aussi Lucan le bouteiller, Guivray de Lamballe, un homme d'un âge avancé, mais un grand guerrier au cœur hardi et endurci au mal. Cabarentin de Cornouailles, donc ça c'est peut-être, c'est peut-être l'équivalent du cousin d'Arthur qui lui succède dans la version originale de Geoffrey, mais là en l'occurrence, pas le cas. Aguisan, le roi Aguisan, Galogantin le Gallois, bref, il y a plusieurs. Les hommes d'Arthur qui vont tous en fait mourir les uns après les autres dans cette bataille, y compris du coup Yvain. Et finalement, malgré l'aide des Saxons, les chevaliers d'Arthur se battent quand même relativement bien. À la fin, vers l'heure de None, donc vers à peu près 15h de l'après-midi, il ne reste plus que 4 chevaliers de la table ronde, dont, comme tu l'as mentionné, Lucan le Boutelier, Girflay. Il reste encore Sagremor, qui est toujours là, et Arthur. Mordred va tuer Sagremor, donc déjà plus que 3. La plupart des hommes de Mordred sont morts à ce moment-là. Hein. Mais Arthur va réussir à transpercer Mordred sa lance d'un trou qui va laisser voir le soleil, dit-on. On dit que Girflay l'a vu et que les gens du pays ont raconté que c'était un signe de Dieu. De la volonté de Dieu qui s'est abattue sur Mordred, en fait, qu'il a été tellement puni parce que c'est un phénomène impressionnant et que ce merveilleux-là serait la marque du signe de Dieu. Mais encore une fois, c'est médié à la fois par le témoignage de Girflay et par le racontard des gens du pays qui ont interprété ça comme une manifestation divine. Du coup, Mordred profite d'avoir qui est empalé sur la lance d'Arthur, va profiter de ça, d'être à proximité d'Arthur même s'il est mortellement blessé, pour lui asséner un coup à la tête qui va être le coup fatal, en fait. Comme Gauvin, une blessure à la tête qui progressivement va le tuer. Et résultat final, malgré la mort de Mordred, Il reste encore quelques hommes sur le terrain, je crois, qui vont être rapidement dispersés par les trois chevaliers de la table ronde restants, donc Arthur, Gyrflay et Lucan. Et ils vont réussir à finalement... ils sont les seuls survivants. Il y a plus des dizaines de milliers d'hommes qui étaient mentionnés. Personne qui reste. Tout le monde s'est entretué. Trois survivants. Je mentionnais juste une des figures de style que je trouve assez jolie. Enfin, jolie. Quand la bataille commence, ils disent « Ils mirent la main à l'épée et allèrent s'attaquer mutuellement, frappant de telle sorte qu'ils firent baigner les épées dans les cervelles. » Oui, c'est voilà. Et aussi... le passage où justement Yvain voit le royon se faire tuer, puis intervient et dit il vit le royon étendu à terre, alors il se rua sur celui qui l'avait tué, il frappa si bien qu'il fendit le crâne jusqu'aux dents et l'abattit mort. Puis il regarda son épée et remarquant qu'elle était toute rouge du sang de l'ennemi, il dit « Donc celui-ci est mort maintenant, mais ce guerrier vaillant ne retrouve pas la vie pour autant. » Donc une espèce de manifestation de la vanité finalement de cette bataille. Surtout quand il y a trois personnes qui survivent à la fin. Enfin, trois personnes qui seront bientôt plus que deux. Lucan, Arthur et Gyrflay se rendent dans une chapelle qui s'appelle la chapelle radieuse, qui est une espèce d'ermitage. Et en fait, il passe toute la nuit dans cette chapelle. Arthur prie toute la nuit dans cette chapelle. Il sent qu'il est à l'article de la mort. Et en fait, Lucan va passer derrière Arthur, qui va se lever brutalement. Et si j'ai bien compris, Arthur va tomber en arrière ou tomber en avant, je ne sais pas très bien comment, et écraser Lucan probablement sous le poids de son armure et tuer en fait Lucan étouffé. Et du coup, Arthur se... Il l'étouffe à mort, mais c'est vrai que c'est pas exactement clair comment, mais oui, il le tue en l'étreignant à mort. C'est assez cruel en fait cette fin. Oui. Il meurt, il tue un de ses deux derniers chevaliers, quoi. Et c'est Gyrflay qui va justement lui faire rendre compte qu'il a tué Lucan. Et là, il dit Ah, oh, Gyrflay, fortune qui était pour moi jusqu'ici une mère, you une compagne. You shot Lucan in the face. C'est maintenant transformé en marâtre et en ennemi. Et tout cela, elle le fait pour que je passe le reste de ma vie péniblement dans la douleur et la tristesse. Et je le ferai ainsi, j'en suis tout à fait certain. C'est vraiment là pour affliger Arthur jusqu'au dernier moment. Il vient de tuer un type et Arthur est là, oh c'est bien mon jour de chance. mais il faut noter que juste avant, pendant la bataille, quand Yvain se fait tuer par Mordred, Arthur voit ça et dit « Dieu, pourquoi tolérez-vous que le pire traître du monde tue un des meilleurs chevaliers de ce temps ?» Donc il pose quand même une question théologique, pourquoi le mal existe. Et Sagrément répond « Sire, ce sont là les jeux de fortune. » Et il y a cette opposition, non, il ne faut pas lire ça comme quelque chose de divin, c'est quelque chose de simplement la fortune, donc c'est une force qui est inférieure à celle de Dieu. Et donc c'est aussi un des thèmes du roman, même si, encore une fois, c'est toujours mis dans la bouche d'un personnage, c'est jamais le narrateur qui va s'exprimer là-dessus. Donc il nous reste littéralement deux personnes. Ouais, Gyrflay et Arthur vont donc se traîner vers un tertre où se trouve un lac. Et Arthur va intimer à Gyrflay de jeter Excalibur, l'épée donc d'Arthur, qui a d'ailleurs été pour le coup mentionnée une seule fois auparavant dans le mort d'Arthur. C'est quand Gauvin l'utilise dans son combat contre Lancelot. Mm-hmm. C'est comme dans donc le conte du Graal où c'est lui qui portait l'épée d'Arthur en fait. Hein. Mm-hmm. Et on dit bien c'est l'épée d'Arthur. Et dans certains manuscrits du Lancelot. Pour le coup, Gyrflay va accepter, mais refuser d'abord de jeter l'épée parce qu'il la trouve trop belle. Il va jeter sa propre épée. Quand il revient, il cache l'épée et Arthur lui demande « Est-ce que tu as bien jeté l'épée dans le lac, comme je te l'avais demandé ?» Et Gyrflay prétend que oui, et il lui demande ce qui s'est passé. Arthur lui dit « Il s'est rien passé, elle est tombée dans l'eau. » Arthur dit « Non, je sais que tu ne l'as pas faite, retourne. » Et il décide de lancer le fourreau uniquement ce coup-ci, parce que il se dit « Non, le fourreau, ça passe encore, mais l'épée est trop belle. » Il cache de nouveau l'épée. De nouveau, la scène se répète. Arthur lui dit « Non, je t'ai dit de lancer l'épée dans l'eau, tu ne l'as pas fait. » Et quand finalement il décide de lancer Excalibur pour de bon... il voit une main se saisir de l'épée, la brandir trois ou quatre fois et replonger dans l'eau. Mmh. Donc le phénomène classique. Et là, il le raconte à Arthur quand il est revenu près de lui. Et Arthur dit, voilà, la chose est faite. Et maintenant, Arthur décide... Il faut que Gyrflay l'abandonne. Voilà. Et alors, il s'est pas très clair, parce qu'ils étaient dans un tertre près d'un lac, et Arthur va bouger vers le rivage. Le texte nous parle de la mer... Donc on ne sait pas si c'est le même lac ou si c'est simplement qu'il a bougé un petit peu et qu'il se trouve près d'un rivage maintenant. Et au loin, Gyrflay le voit emporté avec cheval et armes par un bateau dans lequel se trouve notamment sa sœur Morgane et d'autres dames, dont une reine qui tient Morgane par la main. Et Gyrflay quitte le lieu, passe quelques jours dans un ermitage, retourne à la chapelle radieuse, il trouve la tombe de Lucan le Bouteiller qui a été entourée et celle d'Arthur. Donc Arthur a à la fois enterré et est parti vers Avalon. Donc les deux choses sont rapprochées là pour le coup, vraiment, parce qu'elles se succèdent. C'est même pas une incohérence qui se passe à des intervalles immenses. C'est vraiment la succession de l'entrée d'Arthur dans ce bateau et son enterrement, en fait. Et là, alors on nous dit quand même que le saint homme dit que le corps d'Arthur a été porté là par des dames inconnues. Donc, est-ce qu'elles ont amené le corps? Est-ce qu'elles ont gardé quelque chose d'autre? Est-ce qu'elles étaient juste là pour amener Arthur à sa tombe? C'est pas très clair, le sous-texte. Mais on est assez loin de la vision qu'avaient Wass, Jeffrey, Larman, d'Arthur emmené en Avalon, simplement. On essaie de concilier la tombe et ça. Un truc que je trouve intéressant, c'est qu'au moment de jeter Excalibur, Arthur dit que c'est la meilleure épée, excepté l'épée aux attaches étranges, celle qui était de Galahad et qui venait de Salomon. Maintenant, tu vas perdre ton maître. Où trouveras-tu jamais un homme qui t'emploie aussi bien que je l'ai fait, à moins de venir entre les mains de Lancelot du Lac? Et Lancelot, le plus valeureux des hommes et le meilleur chevalier que j'ai jamais vu, plût à Jésus-Christ, que tu puisses maintenant la tenir et que je le sache, assurément mon âme s'en trouverait tout à fait à tout jamais plus soulagée. Donc au moment de mourir et de lâcher Excalibur, Arthur se dit finalement, si elle doit arriver à quelqu'un, si elle échoue à quelqu'un, j'aimerais bien que ce soit Lancelot. C'est assez intéressant finalement qu'il mette fin à son animosité à ce moment-là, alors qu'avant la bataille, on lui laisse quand même entendre, si vous faites appel à Lancelot, vous avez peut-être une chance de vous en sortir de cette bataille, puis il dit non, c'est bon. Je m'en récupère. Faut préciser aussi que Girflay, après être retourné à la chapelle radieuse, va donc se faire ermite et va mourir à peine 18 jours après. Donc il connaît une fin assez rapide après la mort d'Arthur. C'est vraiment le dernier chevalier à mourir à cause de la bataille, quoi. Et tout ça va être suivi donc vraiment par la fin du roman à proprement parler. Même si Mordred est déjà mort, il y a encore sa progéniture, ses enfants qui ont été laissés à Winchester. Et qui vont donc être combattus pour le coup par Lancelot, en fait. Il vient un peu nettoyer après le coup. En arrivant à l'ogre, il apprend que Guenièvre est déjà morte, donc elle a quitté ce monde dans le monastère où elle se trouvait. Et Lancelot affronte donc les fils de Mordred. De façon notable, il tue Méléon, le fils né de Mordred, tue Lionel d'un coup de lance. Bort se précipite et lui fend le crâne. Et Lancelot tranche la tête du fils cadet. Les autres chevaliers disparaissent, se dispersent. C'est un carnage total qui en résulte. Les troupes gauloises, entre guillemets, les massacrent. Lionel étant mort, il s'en va tout seul à travers la forêt. Et il se lamente sur la perte de Guenièvre et de son cousin. Il arrive à un ermitage, il retrouve son cousin Bliobéry, c'est l'archevêque de Canterbury. Les deux n'étaient pas mentionnés vraiment avant dans le récit. Non, voilà. ils étaient là tout du long. L'archevêque de Canterbury était mentionné dans le Lancelot, c'est lui qui réconcilie la fausse Guenièvre et dans l'affaire de la fausse Guenièvre, il me semble. Et là, c'était pas lui qui faisait la médiation. Non, c'était l'évêque de Rochester. Voilà, donc il n'était pas. Donc peut-être c'est une confusion. Peut-être que l'allusion est faite à la réconciliation était à cause de l'évêque de Rochester. En tout cas, Bliobéry, lui, était mentionné, je crois, dans le Lancelot également brièvement, mais c'était vraiment. Cette fin est assez curieuse parce qu'elle est l'épisode avec Lancelot est presque un peu superflu en fait. C'est juste pour faire revenir Lancelot sur les terres, mais finalement il se fait juste ermite en fait avec eux. Mmh. Il devient prêtre. Puis pendant ce temps en Gaule il y a Bort il est toujours à Winchester. Bort, c'est lui qui règle les dernières affaires en fait. Oui. Le pauvre il a vécu à peu près tout, quoi. Il est passé par le Graal et il se retrouve à juste enterrer les morts. Oui. Il enterre son frère Lionel, donc de nouveau à Saint-Étienne, l'église Saint-Étienne de Camelot. Mais comme il ne trouve pas Lancelot, il veut offrir le royaume de Benoïc ou suite Gaune à Hector, mais Hector refuse, il veut continuer à errer à l'ogre. Et du coup, c'est Bort qui doit rentrer pendant qu'Hector fait le chevalier errant, et c'est Bort qui doit rester roi de Gaule, en fait. Et Hector finit par trouver Lancelot, et il devient ermite aussi, ils peuvent se consacrer à Dieu, Lancelot étant ce prêtre ermite. Et il meurt 4 ans plus tard, Lancelot devient malade un petit peu après, et il demande à l'archevêque et à Bliobéris d'aller l'enterrer à la Joyeuse Garde, c'est là qu'il y a sa tombe prévue depuis le début, dans la même tombe que Galloway, ce qui conclut leur histoire d'amour aussi. Il meurt 5 jours après cette requête et en rêve, de nouveau, plutôt que de voir dans la quête, par exemple dans la quest, quand on voit Galahad emmené au ciel, on le voit, les gens le voient de leurs yeux vus, hein, ils voient l'âme de Galahad être emmenée au ciel. Là par contre, quand Lancelot meurt, c'est l'archevêque qui va juste rêver que son âme est emportée au ciel par des anges. Donc vous avez toujours cette marge de manœuvre pour dire ouais, peut-être que c'est pas complètement vrai, c'est pas forcément une vision divine. Et il est enterré ils ont transféré son corps à la joyeuse garde où il retrouve Bohort qui est revenu et qui a été averti visiblement. Qui sait qu'il retrouverait Lancelot ici mort ou vivant. Et donc c'était voilà Lancelot le meilleur chevalier qui soit dans le royaume de l'ogre à l'exception de son fils Galad. Et c'est vraiment la mort de Lancelot qui signe la fin du récit en fait. Et Bohort devient évêque, ce qui était un peu ce qu'on se serait attendu de son type de personnalité depuis la quête du Saint Graal. Il redevient il repart avec l'archevêque de Canterbury et Bleobéris pour devenir nouveau ermite. Avec eux. Et là, l'auteur qui de nouveau se fait un peu passer pour Gauthier Map dit ici conclut Gauthier Map comme on m'avait demandé de le faire. C'est bien sûr probablement pas Gauthier Map, surtout celui-ci. Gauthier Map est un auteur qui est mort assez tôt au début, je crois autour de l'an 1201, 1202. Enfin, il est mort tout début du XIIIe siècle. Ça peut pas être lui. Et l'histoire, l'idée que le récit était écrit pour le roi Henri II, non, et qui est développé dans le début. On l'avait mentionné un peu à la fin de notre dernier épisode, hein, mais c'était mentionné aussi en introduction. On l'a pas dit aujourd'hui de la mort le roi Arthur. Que oui. c'est Gauthier Map qui veut vraiment continuer. Bah ça continue ce que le roi Henri II. Ce que la quest avait commencé en disant. Exactement. On traduit un texte latin. Mais la mort le roi Arthur insiste pas autant sur la transmission du texte que par exemple le Merlin ou la quest. Mais... Il y a quelques mentions que c'est une histoire qui dit que, mais ouais. c'est tellement courant que je me demande si ça vraiment. Je pense pas que ça vraiment. Vous avez le début où ils disent on a consigné l'histoire de la quest, mais après c'est plus vraiment quelque chose qui revient. Alors que dans le Lancelot, vous aviez justement régulièrement des moments où le roi Arthur consignait toutes les histoires. Là, c'est au début, on le fait pour les histoires de la quest dans la mort en fait. Mais on a quand même ce personnage de Girflet qui est clairement là pour témoigner. C'est ça. Seule véritable fonction dans l'histoire. On ne nous dit pas quand il meurt après 18 jours après. On ne dit pas comment il a réussi à transmettre tout ça. Mais... Peut-être qu'il l'a dit à l'ermite, on ne sait pas exactement. Mais il n'y a personne qui le dit exactement ce qui s'est passé. Il y a vraiment un narrateur assez omniscient finalement, malgré la présence de personnages témoins justement. Mmh. Mais c'est aussi le début de ce motif qu'on retrouve par exemple dans Camelot. À la fin, quand Arthur meurt, il a un certain Thomas et il lui dit va raconter la légende. Et puis on a le jeune qui représente la génération suivante ou bien le début de la légende qui s'enfuit. Là, en l'occurrence, c'est censé être Thomas Malory, ce qui est un peu ridicule, mais on a le début de ce motif-là qui a quand même eu un certain succès avec, probablement pas avec Girflet, la plupart du temps, il n'est pas là. Dans Excalibur, ils ont fait la même scène, mais avec Perceval, parce que ça ne servait pas à grand-chose d'introduire un personnage de plus, puis qu'Excalibur aime bien condenser ce genre de choses. Mais c'est quand même une scène assez intéressante pour sa conclusion, qui est un peu le seul élément merveilleux, hein, cette main qui sort de l'eau et qui attrape Excalibur. Ouais, il y a quelques allusions autres, mais même ça, Girflet a l'impression de voir cette main, il y a ces espèces de sous-entendus autour des attendants de la cour de Morgan, mais il y a des rêves, mais c'est autrement relativement libre de toute interprétation surnaturelle. On est vraiment dans ce côté prosaïque, mondain, comme tu le disais, une fois la quête terminée. D'ailleurs, à la fin de l'adaptation par Christopher Nolan, il y a Girflet qui lance l'épée, puis en fait, elle tourne sur l'eau, et on ne sait pas si elle entre dans l'eau ou pas. Et du coup, ça laisse une ambiguïté pour si vous voulez interpréter ce qui se passe. Non, mais voilà, c'est vraiment la fin. La fin du temps aventureux aussi a été nette avant, avec la fin de la quête du Graal, et maintenant, on a ce côté prosaïque. Et ça se termine finalement... avec la mort de Lancelot, et on est vraiment dans ce, on en discutera peut-être un petit peu après, mais c'est une structure qui a commencé pour nous avec la trilogie a commencé vraiment avec le Lancelot propre, avec le début de la quête de Lancelot, la naissance de Lancelot, et ça se termine maintenant avec la mort de Lancelot. Ce qui couvre un peu plus ça a un peu moins de 50 ans en fait. Oui, c'est une cinquantaine d'années, il meurt, il a à peine moins de 50 ans. Et c'est aussi, je pense qu'il faut dire que malgré le fait qu'ils sont assez malhabiles dans ce roman, ils ont quand même entretenu une relation adultère pendant une trentaine d'années. Oui, ça va et ça vient aussi. Ça va et ça vient, mais... Effectivement, si on compte la parenthèse de la quête qui a duré assez longtemps... Et d'ailleurs, c'est assez triste que justement, ils ne se revoient plus après l'échange d'anneaux, et c'est probablement ce que pensait un rédacteur qui a rajouté un petit épisode dans le manuscrit du Vatican Palatinus Latinus 1967, où on voit Lancelot aller dans l'abbaye où se trouve Guenièvre, et puis ils ont une dernière rencontre qui leur permet de conclure, où ils peuvent se demander pardon l'un à l'autre, si on veut. Et il y a l'abbesse qui d'ailleurs est très... l'abbesse est un peu coquine, justement, quand il y a Lancelot qui s'approche, elle dit « Dame, le plus beau chevalier du monde vient de s'installer. » Ok. Et Guenièvre se dit « Oh, ça peut être que lui. » Et Lancelot lui annonce que les fils de Mordred ont été tués. Il lui dit qu'elle peut être la reine de tout le pays si elle veut. Vous ne trouverez aucun homme qui vous l'interdise. Et elle dit qu'elle a eu tant de bienfaits et d'honneur qu'elle se satisfait de ce qu'elle a eu et qu'elle a décidé de consacrer sa vie au Seigneur. Lancelot comprend et il comprend que c'est son désir et il dit qu'il va faire pareil, il va se retirer aussi. Et du coup, il se pleure dessus pendant quelques jours avant qu'il s'en aille, qu'elle ne meure dans les 6 mois à force de prières pour l'âme du roi Arthur et de Lancelot. Et puis, Lancelot lui-même devient religieux dans cet ermitage, comme il le disait. C'est donc une petite altération qui est un peu incohérente, parce que la mort de Guenièvre est effectivement annoncée avant, mais là, ça laisse entendre que c'était une fausse annonce. Il y a aussi le fait que c'est la seule vraiment mention de qui succède à Arthur. Une fois la bataille terminée et tout, c'est le, il y a pas vraiment d'autres. Non, c'est pas quelque chose qui préoccupe vraiment le narrateur, alors que c'est chez Geoffrey, on avait. Chez Geoffrey, ça continue encore un petit bout. On avait. Voilà, et puis voilà, c'est vraiment là que c'est assez curieux presque que l'intérêt pour Lancelot évade toute autre considération. Et donc ça nous permet de conclure du coup la mort le roi Arthur, qui est la conclusion de ce cycle, qui est à mon avis franchement un de mes textes arthuriens préférés, je pense. Si vous devez lire qu'un seul, c'est pas forcément le plus représentatif des textes arthuriens, mais si vous deviez choisir un de ces trois, donc du Lancelot, de la caisse del Saint Graal ou de la mort, c'est probablement celui qui est le plus accessible. Ouais. Il est simple à lire, il est pas trop long, il est relativement exempte d'allusions théologiques complexes et de considérations philosophico-mystiques. Ouais, si on évade ces considérations sur Dieu et la fortune qui reviennent, oui, mais ça reste assez mais simple. C'est un personnage qui agite les mains dans la direction de « Mais est-ce Dieu ou est-ce la fortune ?» Puis on est là genre un grossement d'épaule et puis on passe à la suite. C'est vraiment un texte assez simple et qui tient très bien tout seul. L'édition Ult fait quand même 900 pages, mais bon, c'est bilingue, donc on compte 400 pages de lecture. C'est bilingue, puis il faut considérer qu'il y a une longue introduction et analyse qui fait à peu près 200 pages. Sur les 900 pages, plus si vous avez à peu près seulement 700 pages de contenu effectif, que vous devez diviser déjà par deux, parce que c'est 350 pages, parce que c'est la version en ancien français au début. Bref, ça vous fait une taille assez standard. Sachant qu'en plus, derrière, vu la quantité de notes et d'appareils critiques, une page complète n'est pas vraiment une page entière, c'est presque une demi-page souvent. Mais donc voilà, c'est plus accessible, disons, que les autres textes arthuriens, je dirais, qu'on a vu. À conseiller à côté de là, je dirais que lire la Quest et lire la mort Arthur, c'est un peu les deux parties les plus accessibles du cycle. Oui, vous n'avez pas forcément besoin de lire toutes les aventures de Lancelot, finalement. Parce que, enfin, vous pouvez, hein, on vous encourage à lire le plus de matière de Bretagne possible. Simplement, les textes de l'histoire de Lancelot sont tellement longs et peuvent être tellement pénibles si vous n'êtes pas friand de ouais, il faut aimer, c'est pas divergence. Il faut pas commencer par là, je dirais. Disons, c'est en général, je dirais qu'il faut pas commencer par le Lancelot Graal, en fait. Ouais. Vous pouvez éventuellement vous dire, bon bah, je prends la Pléiade puis je me fais tout. Mais il vous faut une volonté d'acier. Et je pense. C'est pas forcément une expérience agréable, je dirais. En général, c'est pas le Lancelot Graal, c'est un peu le. On peut comprendre pourquoi ça a poussé finalement cette profusion d'histoires autour de ces cycles, et d'un côté, ça a donné naissance dans d'autres cultures, que la culture française, à une renaissance finalement de la romance, du roman tel qu'on l'a vu en anglais, où il y a des romans beaucoup plus courts, par exemple, des histoires plus, disons, autosuffisantes, et dans un même temps, à des grandes histoires cycliques. Les histoires cycliques qu'on a, c'est Mallory qui va tout reprendre et tout mettre au propre. Mais c'est aisé de comprendre quand on voit le gros appareil que va devenir le Lancelot Graal, et qui va en plus être poursuivi par une deuxième remise en prose, qui va être la version post-vulgate, qui va condenser la chose. Ouais, plus ou moins à part, qui va essayer de condenser plus ou moins les choses en coupant largement dans le Lancelot, d'ailleurs. Qui va essayer de se débarrasser pratiquement de Lancelot, enfin, en termes de... Oui, effectivement. Mais il faut bien comprendre que ce cycle a eu à la fois un impact tellement énorme, mais il était aussi clair qu'il était profondément difficile à comprendre, à manier, à envisager dans une globalité, qu'il a donné naissance finalement à des réécritures, des redites, des synthèses, des versions plus courtes aussi, en anglais par exemple. Avant Mallory, il existe deux versions en anglais qui relatent uniquement la fin de cet épisode, qui racontent uniquement l'épisode de la mort en fait, du roi Arthur. Une version stanzaïque et une version allitérative, qui sont les deux vraiment plus intéressés par vraiment cette partie-là que par par tout le narratif autour de Lancelot avant. Mais je soulignerais juste une chose qui est extrêmement fort avec la mort du roi Arthur et qui conclut vraiment bien le cycle, c'est la variété de gamme qu'il peut y avoir dedans, en fait. On n'a pas, comme dans la quest d'El Saint Graal est un peu monomaniaque, c'est-à-dire, voilà, on a la vraie chevalerie, c'est ça, tout le reste, c'est de la merde, et c'est marre. Et puis à la fin, Galad meurt, donc c'est même pas possible, c'était même pas une expérience réellement possible, on peut juste être à moitié sain là-dedans. Là, par contre, on a un idéal religieux avec tous ces gens qui se font ermite à la fin pour faire pénitence. On a l'idéal courtois. On a la question de la justice, entre guillemets, tribale, la vengeance. On a la justice royale qui a des impératifs différents. Par exemple, quand Guenièvre est faite en procès, je veux dire, les systèmes de valeurs qui sont en jeu et qui s'affrontent sont quand même variés. Et vous avez vraiment cet entremêlement entre les affrontements purs et durs, la largesse de Lancelot, qui est cet idéal courtois idéaliste, son amour avec Guenièvre, mais les implications morales. Et ça donne vraiment une richesse de texture et qui peut faire comprendre pourquoi on va piocher dans cette tradition par la suite. Une richesse que n'ont pas forcément la Quest, qui justement est très orientée, ou le Lancelot, qui est très... qui fait partie de cet univers des romances qui n'a pas forcément la même gravité, on va dire. Oui, on pourrait dire que finalement, c'est un peu bizarre qu'on fasse l'épisode le plus long de notre série sur... Je crois que c'est le plus long de notre série sur le Lancelot Graal, sur un texte qui est finalement pas si long que ça et qui est surtout pas aussi long que le Lancelot. Mais c'est peut-être aussi une conséquence de cette fertilité, de cette richesse et aussi finalement de l'efficacité de ce texte, puisqu'on peut le raconter assez facilement sans omettre trop de choses, alors que Lancelot, on a dû tailler largement dans les... Non, Lancelot... Impossible à raconter, à moins de prendre une saison entière, de faire des épisodes de 2 heures à chaque fois. Et bien, d'ailleurs, abonnez-vous à notre Patreon pour, à notre Patreon pour le Director's Cut de Rex Condam, Rex Futurus, qui fait 5 heures. 5 heures par épisode, non, ça ferait un peu trop de temps. Mais voilà, c'est bien l'idée même de faire 3 épisodes, que 3 épisodes sur ces 3 grands textes si importants peut paraître à la fois extrêmement dense, extrêmement long. On a fait largement plus de 7 heures, 8 heures sur ces 3 textes, je trouve, surtout en comptant les bouts qu'on a coupés et les tout ce qu'on a dû discuter autour. Maintenant, voilà, c'est une tradition qui est extrêmement fertile, comme on l'a dit, qui va connaître beaucoup de descendants et qui n'est même pas finie maintenant, puisque une fois qu'on avait cette trilogie donc, qui se termine avec la mort, il a fallu revenir en arrière et y intégrer justement de façon plus efficace l'histoire de Joseph d'Arimathie et l'histoire de Merlin, ce qu'on verra en rajoutant beaucoup de batailles. Oui, si vous aimez les batailles sanglantes, les batailles à mort. C'est vraiment les producteurs de l'époque, ils ont lu La mort du roi Arthur, ils étaient là, tu sais ce qui marche, Coco, des batailles. Alors, l'histoire de Merlin, tu me rajoutes 50 batailles. L'histoire de Joseph d'Arimathie, tu me rajoutes 70 batailles. Ouais, non, mais c'est vraiment ça. Tu comprends que l'intérêt des gens était plus piqué par la mort du roi Arthur. Non, ils ont rajouté énormément. Que par la caisse d'Alsingrad. Ils ont rajouté beaucoup de scènes d'action là-dedans. Je conclurai juste sur encore 2 notes. La première, c'est que l'édition de Hult est très bien, sa seule faiblesse c'est d'être un livre de poche, ce qui veut dire que ben, ma foi, c'est pas très solide sur le plan purement matériel, et que malgré toutes ces critiques légitimes de la mort de la mort Arthur de Frappier, je pense que la mort Arthur de Frappier aura une longévité en bibliothèque beaucoup plus grande, parce que ça reste un livre, les TLF c'est quand même assez solide, et puis ça leur suivra peut-être. C'est un peu ça le problème des lettres gothiques, finalement c'est des très bonnes éditions, mais c'est des très bonnes éditions qui sont sur des papiers de très mauvaise qualité et qui sont vraiment c'est des textes pour étudiants, donc on les fait pas cher, mais aussi ça veut dire qu'il va pas survivre beaucoup plus qu'une lecture ou deux. Oui, ça aurait été intéressant pour le coup d'en faire des versions. Si vous allez dans une bibliothèque et vous en prenez une, souvent les bibliothèques en font des versions, les cartonnes et puis les blindes, parce que ça résout pas tout le problème de la relire. Mais et une deuxième chose sur laquelle je voudrais conclure, c'est qu'on a reçu un commentaire sur notre dernier épisode qui avait suivi nos conseils d'achat et avait acheté La légende du roi Arthur de Martin Orwell, qui est donc une rétrospective d'à peu près toute la légende arthurienne jusqu'à justement le Lancelot Graal, un peu la post-vulgate, mais pas vraiment au-delà, et qui est en fait probablement le truc systématique le plus complet que vous trouvez en français, et qui n'a pas regretté son achat et qui en a eu un meilleur état que le mien. Donc si jamais vous voulez suivre son exemple et que vous cherchez un peu un document compagnon de la série, ça peut peut-être vous aider, La légende du roi Arthur. À ne pas nous perdre quand vous ferez votre réécoute intégrale de nos 4 épisodes sur le Lancelot Graal, voire même de tout Rex Condam depuis le début, vous ne vous perdrez pas. Donc Martin Orwell. D'ici là, on vous souhaite un court mois de septembre, puisque nous nous retrouverons assez vite, dès le début du mois d'octobre, pour finir notre série, qui est déjà à moitié finie, en fait. C'est un peu ça qui est intéressant, c'est qu'on a fini techniquement le Lancelot Graal aujourd'hui, mais on va revenir en arrière en passant par l'ordre de les préquels. Pour mieux terminer ce grand cycle. Et après, on vous fait 15 épisodes sur la post-vulgate, histoire de bien enfoncer le clou. D'ici là, je plaisante. D'ici là, passez un très bon mois de septembre et à tout bientôt. À tout de suite. Quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter. Et à mon avis, elle mérite 5 étoiles. Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute. Vous aimez les émissions produites par Radio Kawa et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce? Rendez-vous sur patreon.com/radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire, alors à vous de jouer sur patreon.com/radiokawa.